Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Fantasticast, le podcast qui une semaine sur deux vous parle de cinéma fantastique. Je suis Corentin et pour le premier épisode et pour tous a priori je suis avec Roman. Roman, comment ça va? Eh ben ça va bien et toi? Mais ça va très bien, on est entouré d'un délicieux apéritif et de quelques nourritures pour nous sustenter pour ce premier épisode, ma foi, premier épisode qu'on a décidé d'axer autour de quoi? Eh ben du slasher. Pourquoi le slasher? Parce que c'est un genre qu'on aime. Bah oui. Parce que c'est un genre qu'on aime. Non, donc, pour vous présenter rapidement le contexte et le principe de l'émission, on a tous les deux choisi trois films qu'on a imposés à l'autre, trois films autour d'une même thématique. Pour cette fois-ci, ce sera le slasher. Pour les futures thématiques, on est plutôt libre du genre, du pays, du réal. On fait dans la liberté. D'ailleurs, c'est pas exclu qu'on revienne au slasher dans quelques épisodes. Je l'espère, d'ailleurs. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Exactement. Et donc on a axé ça autour du slasher. Le but, c'est tout simplement de se faire découvrir des trucs plus ou moins connus, peut-être plus moins connus d'ailleurs. Mmh. On est sur un premier épisode en tranquillité. Et Roman, qu'est-ce que le slasher? Dis-moi. Eh ben le slasher, si je devais être un journaliste cinéma qui connaît que dalle en cinéma d'horreur, je dirais que c'est généralement des films où un tueur masqué va s'en prendre à une bande d'adolescents débiles pendant une heure et demie. Globalement, ça a été ça pendant une époque. C'est toujours un peu ça. C'est toujours un peu ça, même si ça s'est quand même diversifié et qu'aujourd'hui c'est un slasher soir, il peut plus se permettre d'être juste ça. Il doit avoir quelque chose à dire en plus. À proposer. À proposer, hein. Récemment on a eu quand même X de Ty West qui voulait proposer quand même quelque chose en plus. Mm-hmm. Et donc là on a décidé de parler de slasher. Donc le slasher, si on veut être moins ignorant, c'est globalement des films qui nous présentent. Un groupe de personnes, pas forcément des ados débiles, ça peut être des ados moins débiles, ça peut être pas du tout des ados. On verra dans nos films qu'on a d'ailleurs pas toujours des adolescents, je suis en train de faire le compte, et dans un des films, c'est pas du tout des adolescents. Dans un des miens. Ah, dans un des miens aussi. Hein. Bah on verra, on en parlera. On en parlera. Et avec un tueur, un ou plusieurs tueurs d'ailleurs, ça dépend, ça peut être même des twists bah, dans certains films. Qui vont du coup tuer du monde, mais avec quelques subtilités, notamment qui plus les années passent, plus on va devoir redoubler d'inventivité dans l'arme qui va servir. Pour tuer, généralement une arme blanche, on verra que ça donne souvent des résultats, comment dire, exotiques, des résultats originaux, dirons-nous. C'est ça, des résultats pas piqués des hannetons. Exactement, mais donc pour donner une formule de base, on peut résumer à un groupe de personnes qui va se faire traquer et tuer par une figure généralement masquée, et tuer généralement à l'arme blanche. On verra que ça peut présenter quelques subtilités, mais que, contrairement à ce qu'on peut dire, ce n'est pas toujours un genre de teubé. Pas toujours. On n'a pas dit pas tout le temps. Ça, et j'ai envie de te poser une question avant qu'on se jette dans le bain, finalement. Toi, ton premier contact avec le slasher, ça a été quoi? Ça a été quel film? Ça a été quand? Ça a été globalement Halloween, je dirais. Halloween. L'original. L'original d'Halloween. Et suivi très peu de temps après par l'original de Freddy. Oh, ouais. Le double combo qui fait plaisir. Ah, c'est ça. Halloween découvert sur YouTube à l'époque, qui est d'ailleurs toujours sur YouTube, voyez-le, mais voyez-le en Blu-ray. En 360p qualité VHS, comme à l'époque. L'époque de nos grands frères. Et comme on dit quand on est dans la street, wesh. Et première expérience du slasher. J'ai commencé avec Carpenter et Wes Craven. On peut dire que c'était un double gagnant. Ça va, y a pire. Même si j'ai quand même eu des expériences avant ça, notamment avec Psychose, mais qui est plutôt du proto-slasher. Voilà, c'est un slasher où il y a deux meurtres. Halloween, il y en a quatre. Voilà, on va pas non plus. On passe de deux à quatre finalement, la prochaine étape c'est 8. C'est 8, voilà. Et la première expérience, et ça fait partie des premiers films qui m'ont vraiment rendu amoureux du cinéma d'horreur. Et avec les films que j'ai découverts à l'époque, donc Les Dents de la Mer, Creepshow notamment, The Grudge aussi. Voilà, j'ai quand même commencé par des bons gros classiques. La belle brochette. Bah moi, pour le coup, c'était aussi Halloween, que j'ai découvert à Halloween, avec une bande de potes. C'était assez déstabilisant, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était pas plus mal. Vraiment, c'est Halloween qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Mais j'ai enchaîné tout de suite après, c'est-à-dire que juste après, j'ai vu Scream. Donc pour le coup, doublé gagnant, je maintiens. Je sais que t'es pas très fan de Scream. Ah, mais on reste sur Wes Craven. On reste sur Wes Craven, et surtout, il y a pire pour démarrer. Juste après, ça a été Souviens-toi l'été dernier. Ouh. Donc, tu vois, c'est tout. Il y a mieux pour démarrer. Il y a mieux pour démarrer. Tu sais, genre, j'ai pris la porte d'entrée et tout de suite après, j'ai eu la porte de sortie. T'as eu la porte des chiottes. C'est ça. Après, j'ai eu Urban Legend, donc tu vois, j'ai continué dans la merde. Ah, mais ça avait été des premiers aussi que j'avais ça. Ouais, mais après, je suis revenu vers des classiques, c'est-à-dire, je me suis fait Vendredi 13, les Freddy, tous à la suite, qui est peut-être une des sagas que j'aime le plus. Je crois que j'ai dû tous me les faire à la suite aussi. C'est des hauts et des bas, mais toujours très attachant. Et également, je me suis fait Carnage, du coup, qui est encore aujourd'hui un de mes slashers préférés. C'est vrai qu'il mais ouais, c'est. Et puis les slashers, je pense que toi, comme moi, on en a bouffé, mais à la pelle, parce que s'il y a bien un genre qui est simple à faire avec le found footage, c'est le slasher. Oui. S'il y a bien un genre qui est facile à rater avec le found footage, c'est slasher. Donc ouais, non, vraiment, ça a été. Ça a été, c'est souvent déceptif, mais il y a quand même des perles, il y a quand même des films que toi et moi on adore finalement. Mmh. Et on est là pour en parler aujourd'hui. On est là. Donc je te propose qu'on dévoile nos sélections. Tu veux démarrer ? Bah je vais démarrer parce que mine de rien, j'ai le film le plus ancien de la sélection. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Qui est pas spécialement le meilleur. Loin de là ! Loin de là. Mais du coup, le premier de ma sélection, c'est un film qui s'appelle Silent Night, Bloody Night, pas Deadly Night, attention. Pas le Garbage Day. Ouais, le Garbage Day, le fameux. Voilà. Mais donc, réalisé par un certain Théodore Gershoni. Titre qui... Enfin, un film qui a plusieurs titres alternatifs, notamment Death House, ou Death House en un mot ou en deux mots, aux USA, ça dépend. Au Royaume-Uni, il s'appelle Night of the Dark Full Moon, qui est classe comme titre. On est déjà à quatre titres différents, quand même, pour un seul film. Voilà. Et au Québec, il s'appelle La Nuit Sanglante. Je adore les Québécois. Oui. Tu sais comment s'appelle Wolf Creek au Québec ? Dis-moi tout. Terreur à Wolf Creek. Scooby-Doo vous présente la terreur à Wolf Creek. J'adore. Ouais, c'est comme quand en France on a traduit Dr. No par James Bond 007 contre Dr. No. The Hangover, Very Bad Trip. J'aurais adoré qu'il fasse ça, genre Avengers, Very Bad Aliens. Ça aurait été incroyable. Allez, je te laisse reprendre. Voilà, et donc, on présente toutes nos sélections ou on y va chacun film je propose qu'on présente toutes les sélections quand même. Alors, du coup, après, ça va être un Bloody Night. J'ai donc le film The House on Sorority Row qui encore une fois a plusieurs titres alternatifs. Quelle chance, Seven Sisters. Seven Sisters aux USA, ouais. House of Evil en Belgique. Sept femmes piégées au Québec. Et lors de sa première sortie française, Le Pensionnat de l'Angoisse. Oh putain. On dirait les trucs, on dirait les titres, c'est genre Le Sous-sol de la Peur. C'est ça. J'adore les titres comme ça. Bon. Et donc, film réalisé par. Film est réalisé et écrit par Mark Grossman. Et donc, le troisième film de la sélection, mon petit chouchou, La fiancée de Chucky, Chucky 4, Bride of Chucky, qui a pas titre alternatif cette fois-ci. On va pas déconner non plus. Encore heureux d'ailleurs. Réalisé par un de mes chouchous, Ronnie Yu, dont on parlera plus tard. Oui. Alors, moi, sur ma sélection, donc, je démarre en tranquillité avec Carnage, tout simplement. De Tony Maylam, qui est, comme je dis, un de mes slashers préférés, on va en parler, mais qui est vraiment, pour moi, un slasher le plus représentatif de son époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des slashers inhérents à chaque époque, surtout de styles assez différents. Ensuite, on saute quasiment 30 ans plus tard, ouais, 30 ans, pour... 80. C'est 2000. Je ne sais pas compter. Donc, 2000, en 2000, pour Cherry Falls, slasher dont l'histoire est plus passionnante que le film, mais le film reste quand même ultra attachant, on vous en parlera. Pas Cherry Falls. Et ensuite, on va en 2010 avec Dream Home, mon chouchou de ma sélection, vraiment, c'est le film que j'adore, de Pango Chung, qui nous fera voyager et sortir un peu des États-Unis. Et Roman, je te propose qu'on démarre, tu t'attaques avec Silent Night, donc vas-y, Silent Night, Bloody Night, finalement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un slasher sorti en 1972. Ah bon, c'est un slasher ? C'est un slasher, oui, je te l'apprends. Donc c'est un slasher sorti en 72. 72, pour rappel, on est 2 ans avant Black Christmas, on est 6 ans avant Halloween, on est 2 ans avant Massacre à la tronçonneuse. On est 9 ans avant... 8 ans avant le premier Vendredi 13. C'est ça, donc vraiment, niveau slasher, c'est dans les tout premiers. On est 4 heures avant Alice Sweet Alice aussi. C'est vrai. Après, slasher, il y a 3 meurtres visibles dans le film. Voilà, j'ai envie de dire, Halloween en a 4. Dans 4, non. Le premier avec le feu, les deux à la hache, et le dernier. C'est pas un meurtre avec le feu. Ouais, clair, attendu. Mais donc, pour résumer l'histoire, on a un homme qui hérite d'un manoir, qui servait avant d'asile psychiatrique. Compliqué à résumer, n'est-ce pas ? Mais en gros, il y a eu des crimes liés à cet asile psychiatrique, des crimes qui effraient encore la population locale, parce qu'il y a des scènes où on va voir le mec en train d'essayer de vendre le dit manoir Et où n'importe qui. Ouais, n'importe qui. Maintenant, il va voir le maire de la ville, des trucs comme ça. Voilà. Et en parallèle. C'est un vendeur à la sauvette de manoir. C'est ça. Tu veux mon manoir? Tu veux mon manoir? Wanero, Wanero. Et il voit les petites tours Eiffel en bas de la tour Eiffel. Et son truc à voilà. Et en parallèle, il y a un tueur qui s'évade d'un autre asile et qui va commencer à perpétrer des meurtres. Ça peut paraître cliché, mais encore une fois, on est en 72. Tu démarres? C'est chiant? C'est très chiant. C'est très chiant ce film. C'est vraiment, ça dure 1h25. Oh putain, déjà pour les copies qui restent du film, parce que c'est, déjà c'est moche. C'est qualité VHS. Bah, j'ai envie de demander déjà, pourquoi est-ce que tu l'as pris? Je l'avais pas vu à l'époque. À l'époque, il y a une semaine. À l'époque, il y a une semaine. Non, à l'époque où j'ai acheté le film. Ouais. Donc, mec qui est édité par Backfilm. Backfilm qui édite quand même beaucoup de petites pépites. Très bon film. Alice with Alice, c'est eux par exemple. Voilà, c'est eux qui l'ont édité en DVD en France. Alice with Alice qui est un excellent slasher. Un excellent proto-slasher, si personne ne l'a vu. Mais j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Excellent film, excellent film. Mais c'est très chiant. C'est très très chiant. C'est-à-dire que. Globalement, je vais dire le CV du réal, mais le réal. Il a dû faire de la télé, non? Il a fait beaucoup de télé. C'est-à-dire que il a réalisé deux thrillers qui s'appellent Québec et qui s'appellent Les Pulpeuses. Tu dis quoi? Les Pulpeuses. C'est un thriller? C'est un thriller. C'est que un thriller? Normalement, oui. Ça s'appelle Sugar quelque chose en VO, je vais plus le titre exact. C'est que un thriller? C'est que un thriller. Il a bossé pour la télé. Il a fait notamment un segment du téléfilm Stephen King's Golden Tales. Golden Tales. Le segment Strange Love, qui en fait n'est pas vraiment un film, qui est juste un amas de 5 épisodes de la série Tales from the Dark Side. Et donc, au total, il a réalisé 5 épisodes de la série, mais donc il y en a un qu'il a réalisé et qui a été foutu dans ce film. Et il a réalisé aussi 2 épisodes de la série Monsters, une série d'anthologie. Un homme qui a marqué l'histoire du cinéma, donc. Voilà, voilà, voilà. Il est aussi scénariste du film. Et où, en outre scénariste, on a Jeffrey Convitz, qui a écrit La Sentinelle des Maudits. Oh, chef d'œuvre. Faut que je le vois. Mais incroyable, ouais. Film, La Sentinelle des Maudits. Incroyable faut film. Faut que je le vois. Et qui a été, entre autres, producteur. Alors, ce sont des trucs assez variés, c'est-à-dire que ça peut être du très bon comme Under the Silver Lake. Je suis pas très fan, mais pourquoi pas. Et ça va jusqu'à Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? C'est pas le troisième, tu vois? C'est le deuxième ou le troisième? C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Qui s'appelle, en VO... J'ai pas vu ça. 2001, A Space Travesty. Oh putain. Le bon goût. Et il a aussi produit Agent 00 avec Leslie Nielsen et écrit par Friedberg et Seltzer. C'est dur ça quand même. Parce que Leslie Nielsen, j'ai pas vu Agent 00, mais Leslie Nielsen sorti de ses rôles, on va dire cultes. Bon, c'est peut-être une hot take, mais c'est pas non plus un très très grand acteur quand même. C'est un génie comique. Mais c'est pas très. Voilà. Pour le coup, je l'ai vu dans un rôle sérieux, c'était dans Planète Interdite, je vais articuler. Et il est pas fou, hein, il est pas... J'aime bien le film, en vrai. Oui, non, le film est bien, mais lui, dedans... Bah, ça joue comme dans les années 50, quoi. Ah voilà, et donc on a un autre scénariste qui s'appelle Ira Taylor, mais qui a bossé que sur ce film-là, donc voilà. Mais donc, ouais, le scénario, globalement, est quand même assez basique. Incompréhensible, j'ai trouvé ça incompréhensible. Et oui, déjà incompréhensible, c'est monté n'importe comment. Et ouais, enfin, c'est surtout très chiant en fait. Bah, si je peux reprendre, on va dire que t'as fait ce qu'on peut appeler un coup de poker, on va dire, c'est-à-dire que t'avais pas vu le film, tu t'es dit, eh, banco, je le place. C'est ça. Et je me retourne encore, banco. Avec un record de celui-là. Mais pour dire, bah, déjà, il est disponible sur Frickson, si y en a qui veulent le voir, mais ouais, déjà, c'est qualité VHS, donc faut s'y faire. Il est dispo sur YouTube aussi, hein, le film est libre de droit. Ouais, bah oui, mais pour le coup, ce qui est vraiment compliqué, c'est-à-dire que c'est qualité VHS, mais c'est filmé, vraiment, comme un téléfilm, en fait. C'est à peine si on voit pas les coupures pub, parce que le film, bah, c'est très lent, c'est très moche, aussi. Mm. J'ai trouvé ça, enfin, vraiment... On va dire, dans les autres films, on n'a pas que des chefs-d'œuvre de réalisation, mais dans ton film suivant, que moi, je trouve quand même sur un autre tonneau en termes de réalisation, là, ouais. C'est super pauvre. Sur les meurtres, ce qu'on vient quand même voir dans le slasher, bon... Il y en a pas, mais non seulement il y en a pas, mais en plus, il compense pas forcément. C'est-à-dire, il y a un meurtre à la hache qui est vite fait graphique. Mm. Mais vite fait, c'est-à-dire on voit pas forcément grand-chose. Et vraiment, Silent Night, Bloody Night, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas fou, en fait, tout simplement. Vraiment très, très fade, au final. Donc, pas grand-chose. Et ouais, non, dans Silent Night, Bloody Night, surtout, ce qui est décevant, c'est que bah, c'est un proto-slasher, mais on est limite plus dans un thriller de base, ou dans un petit film de psycho-killer. Mais ça passerait à 20h sur M6, tu vois. Genre, ça passe un peu tard, c'est super soft, vraiment, j'ai... Après, pour contrebalancer, j'ai vu que le film avait une vraie fanbase, qu'il y avait vraiment des fans qui le défendaient, mais en fait, parce qu'il a un côté cosy de Noël, un peu sympa, genre histoire de mettre tranquillement un après-midi de neige, j'avoue que j'ai du mal à trouver ça, quand même. Quitte à voir ça, je préfère 100 fois vous revoir Black Christmas ou... Évidemment. Ou... Silent Night, Deadly Night, même le premier, que moi j'aime bien. Donc, oh, ouais, le premier... Ah, il est poussif. Il est poussif. Mais il est sympa. Mmh. Il est rigolo. Je viens de voir que Silent Night, Bloody Night, sur Sens Critique, il est à 4,9 sur 10. Ce qui est le signe d'une fanbase présente, hein, mais... C'est ça. Après, non, c'est, j'avoue que, pour le coup, je sais pas si j'ai grand-chose à dire sur le film. Je passe assez rapidement, parce que j'ai dû m'y prendre à 5 fois, quand même, pour le finir. C'est très chiant. Voilà. Et alors, l'histoire, j'avoue, j'ai rien bité. Ouais, non, j'ai dû aller lire... je t'ai dit, j'ai dû aller lire le résumé sur Wiki. Pour me remettre vraiment des trucs en tête, parce que c'est pas un film qui marque, vraiment. Et donc si on veut parler vite fait du cast, on a donc Patrick O'Neill qui a quand même joué dans quelques trucs horreur fantastique, notamment Stepford Wives et la série 4ème Dimension. Ça va, il y a pire comme CV. Mais il a aussi joué dans ce que j'appelle Dimanche après-midi de nos grands-parents sur TV Braise. C'est-à-dire il a joué dans Maigret, dans Columbo et dans notre fil rouge du jour, Arabesque. Oh putain! Arabesque, il y a l'actrice qui est morte là. C'est ça, justement, c'est en lien avec l'actu. Il y a donc l'actrice qui s'appelle Angela Lansbury. Qui est morte. Elle a eu un Oscar, il me semble, à une époque, mais. Ah ouais, donc on est sur un acteur de haut vol. C'est ça. On a aussi donc Marie Voronoff, qui était la femme du réalisateur, c'est pour ça qu'elle a joué dans Les Pulpeuses et dans Québec. Avoir ta femme qui joue dans Les Pulpeuses, ça doit être quand même un truc à raconter en soirée. Hein, c'est... Elle a le rôle principal dans le film Hollywood Boulevard. Il y a pire que j'ai pas encore vu d'ailleurs. Elle joue Calamity Jane dans La Course à la Mort de l'an 2000. C'est elle. C'est pas elle la nazie. Je crois pas. Non, c'est elle qui se fait buter son copilote par la nazie. Parce que moi j'ai surtout souvenir de la nazie qui roule sur tout le monde en gueulant Blitzkrieg, ouais. Voilà. Et elle a eu des petits rôles dans The Devil's Reject, les Looney Tunes passent à l'action ou le téléfilm de Noël des Monsters. Ou encore, et ça va te plaire, The Living End de Greg Araki. Ça part. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Voilà. Mais aussi dans des séries comme Highlander, Babylon 5, K2000, Charlie's Angels et Arabesque. Il y a une série Highlander. Il y a une série Highlander, bien sûr. Oh putain. Il y a Totof ou pas? Qui? Totof. Totof Lambert. Ah, Totof Lambert, je crois pas. Aucun intérêt. On a aussi James Patterson qui a joué, encore une fois, dans pas mal de séries comme Winter le Dauphin, Hawaii 5-0, Mission Impossible... et dans le film La Chaleur de la Nuit de Norman Jewison. Jamais vu. Moi non plus, mais c'est Jewison. Et d'ailleurs, ça a été son dernier film dans lequel il a joué, Silent Night, Bloody Night. D'ailleurs, il est mort peu de temps après le tournage du film, mais avant qu'il y ait le temps de faire des redoublages pour les prises, par exemple, tournées en extérieur. Okay. Et donc, ça a dû être doublé par quelqu'un d'autre. C'est celle-là. Quel enfer. Et on a John Carradine. Le frère de... Le père de David. Le père de David. Alors, j'ai voulu voir un peu dans quoi il avait joué. Je suis allé sur IMDb, j'ai vu 355 crédits en tant qu'acteur, j'ai fait... Nope. Donc c'est le père de David Carradine qui joue dans Kill Bill et dans La Course à la Mort de l'an 2000, on y revient. T'arrives à le placer à chaque fois, j'aime bien. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui est... il a eu son petit exploitation sur le circuit drive-in, et après il est tombé dans l'oubli, jusqu'à être diffusé dans l'émission Movie Macabre de Elvira. C'est bien un film que j'imagine passer là-dedans, hein, mais... Voilà. Mais la question, il a pas eu des trucs de cut ou de censure, ou il a vraiment été fait comme ça, ou il a eu des trucs de censure ou des cuts? J'ai pas trouvé de trucs qui parlaient de censure, en tout cas, donc... Donc ça veut dire qu'il a été fait... Donc ça veut dire que c'est conscient. Ça veut dire il a été pensé comme ça. Alors, donc, les FX du film, si on peut parler de FX, qui sont quand même très peu présents... Bah, j'ai repeint les murs en rouge l'autre jour et j'avais un effet gore. Hein, c'est ça. Donc, fait par un certain Louis Hanses, qui... s'est chargé des effets spéciaux de Gorge Profonde 2, la suite du film de Linda Lovelace. Je refuse de réagir. Tu vois, ça, j'ai pas vu. Moi non plus. J'ai vu le 1, mais j'ai pas vu le 2. Mais j'ai pas vu le 1. Non, mais c'est pour la culture. C'est pour la culture. C'est pour un ami. et donc, sachez qu'il y a un Silent Hill Bloody Night 2, qui s'appelle The Revival, qui est sorti en 2015, et qu'il y a un 3 actuellement 3, ouais, en post-prod avec Lloyd Kaufman dans le rôle principal. Oh, quel enfer. Tu vois, ceux qui suivent la 7ème dimension le savent, je suis très complétiste. J'ai vu tous les The Crow, j'ai vu Donnie Darko 2, je m'en suis mangé des merdes Mais ça j'ai pas fait. Je suis pas allé jusqu'au bout. Mais écoute, merci beaucoup, j'avoue, sur Silent Night, Bloody Night, à nouveau, c'est tellement chiant, et c'est pas moi qui regardais le film, c'est lui qui m'a regardé, vraiment, je m'y suis surpris à 5 fois, tu vois. Donc non, pour moi, j'avoue, je passe rapidement dessus, je propose qu'on passe au film suivant, à moins que t'aies quelque chose à rajouter. J'ai rien à rajouter, et le suivant, c'est le tien. Le suivant, c'est le mien ? Ouais. Le mien est avant le tien. Moi, c'est mon suivant, il est 82, toi, c'est 81. Oh, bien vu. Alors, bah, on va passer au mien, donc on attaque avec Carnage, donc The Burning en version originale, sorti en 81. Alors, rapidement sur la fiche technique, donc c'est réalisé par Tony Maylam, c'est un Anglais qui a surtout fait de la télé et des docus dans les années 70. Il est majoritairement connu pour ce film. Il a aussi fait un truc en 92 qui s'appelle Split Second avec Rutger Hauer, okay, qui a l'air vraiment pas mal. Après, j'avoue que j'ai pas du tout regardé. Alors, c'est écrit par, comment dire, deux bonhommes pas tout à fait recommandables, les Weinstein, hein, c'est... Ah, quel plaisir. C'est le premier film, d'ailleurs, produit par eux, c'est grâce à ce film qu'ils auront pu avoir une longue carrière et... carrière dans l'humanitaire, tu vois, ce genre de trucs. Yes. À la photo, on a Harvey Harrison, qui est pas j'ai pas vu qu'il a fait grand chose, mais il a quand même fait Les Sorcières de Nicolas Roeg. Ça se pose là. Ah, que j'ai pas vu. À la musique, on a Rick Wakeman, qui est le claviériste de Yes, et la musique de The Burning, elle défonce. Au casting, alors ça c'est assez amusant, un truc amusant dans les slashers des années 80, c'est de voir des jeunes têtes qui démarrent. Ouais, là, bah, Kevin Bacon dans Vendredi 13, Johnny Depp dans. Qui a le meilleur meurtre du film. Oui. Johnny Depp dans un slasher ? Les Griffes de la Nuit ? Oh putain, bah oui ! Son premier film ? Bah oui. Ensuite, Holly Hunter, donc dans le casting, on a Holly Hunter, qu'on verra plus tard dans la leçon de piano, Jason Alexander, qu'on a revu dans Pretty Woman ou L'Échelle de Jacob, Fisher Stevens, pas mal d'acteurs qui ont eu une carrière plus tard. Au montage, on a Jack Shoulder, qui a réalisé ce chef-d'œuvre qu'est... Je l'ai pas tout de suite. Eden ! Ah, il faut que je vois. J'adore Eden, je trouve ce film vraiment génial. OFX, on a... le grandiose, le magnifique, l'ultime, Tom Savini. Ah bah évidemment. Tom Savini, évidemment. Qui est peut-être le dieu des fans de slasher des années 80. Même au-delà du slasher, hein, Zombie de Romero. Mais c'est vrai qu'il a remaké aussi... Mais il a réalisé le remake surtout. Qui est un excellent remake. Qu'il faut que je vois. Et tu sais pourquoi il l'a réalisé ? Vas-y. Ah c'est, oui, parce qu'il n'est pas, genre il devait être au Vietnam, il, un truc comme il ça. Devait, à la base, il devait faire les FX du film de Romero. Ouais. Sauf qu'il était photographe de guerre au Vietnam. Ah, et du coup, voilà. Il n'avait pas pu et Romero l'a invité sur remake. Il a invité sur remake et surtout, Romero devait faire un remake pour renflouer les caisses parce qu'à cause d'une erreur de signature. Le film est libre de droit. Le film s'est retrouvé dans le domaine public dès sa sortie. Ouf, ça c'est dur ça quand même. Ouais. Alors, à savoir sur l'histoire du film, le film a été pas mal charcuté. On va reparler de la violence de Carnage, mais c'est quand même un peu bourrin. Pas mal charcuté suite aux protestations des groupes de défense, d'autant plus que le film est sorti juste après la mort de John Lennon. Donc ça fait énormément de trucs à cette période-là. Mais il est sorti en version intégrale en 2007, ce qui n'a pas été le cas de tous les slashers. Malheureusement, pensez notamment à genre My Bloody Valentine ou quoi, qui ont toujours. Ou Happy Birthday to Me, qui ont des versions cut, mais c'est assez dramatique. Ouais, après Happy Birthday to Me, c'est pas fou. Hein. Ah, moi j'adore Happy Birthday to Me. Ah ouais ? Ah, j'aime vraiment beaucoup. Okay. Si on fait un épisode 2, il sera dedans. Hein. Ok. Et donc, alors pour le pitch du film, donc on est sur. Un groupe de jeunes, bon ok, là c'est des ados, qui sont dans un camp de vacances, qui vont vivre leur vie et vont se faire attaquer par un tueur. C'est très simple, très efficace, c'est vraiment l'histoire, et c'est totalement une rebond de Vendredi 13. Totalement, mais en mieux. Les Weinstein affirment que le projet de film a été lancé avant Vendredi 13, ou en tout cas en parallèle, et qu'il y avait un autre film qui s'appelle Madman, sorti dans la même période, qui se base sur la même histoire, qui est aussi sur les jambes de Cropsy. Donc c'est un bonhomme qui, à la suite d'une mauvaise farce faite par des gamins du camp, se retrouve brûlé et décide de ensuite prendre sa vengeance. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai ? On saura jamais vraiment si ça a été lancé en même temps ou pas, parce que les slashers dans les années 80, c'était quand même un par semaine, oui, quasiment. C'est comme quand, je sais plus qui, le réal de Critters, affirme qu'il a eu l'idée du film avant de voir Gremlins. Oui, mais voilà, le problème, c'est que dans les années 80, c'était un slasher par semaine. Littéralement, il faisait plus de films que Jess Franco, tu vois, c'est... Voilà, donc, pour le coup, on ne saura jamais, mais toujours est-il que, pour moi, on est face à Vendredi 13 en mieux. Vendredi 13, honnêtement, c'est pas un film que je tiens très haut dans mon cœur. C'est culte, ça a une ambiance... Après, Sean Cunningham s'est jamais caché de l'avoir fait pour l'argent. Et il s'est surtout jamais caché d'avoir été beaucoup inspiré par Halloween. Et ça se voit. Et pour le coup, ce que j'aime dans The Burning, c'est que bah, il a autre chose que juste ses meurtres. Et pourtant, en termes de meurtres, on est déjà plutôt bien gâtés. Mmh. C'est-à-dire, ce que j'aime dans le film, c'est que... Le meurtre sur le canoë. Comment ? La scène du canoë. Attends, on va en parler. Ce que j'aime dans le film, c'est déjà qu'il y a une écriture. C'est-à-dire que c'est des personnages, c'est pas que des clichés. Il y a des clichés. Mention au bonhomme qui est, bon, on va dire, un agresseur sexuel. Le blond, là. Ouais. J'ai plus son nom, mais qui va passer l'homme tout le film à forcer des filles. Oui. De façon un peu gênante quand même, un peu malaisante. En même temps, quand on voit qui est scénariste. Oui, voilà, quand on voit qui est scénariste, c'est là et ça passe. Ça, donc, j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une écriture, il y a des personnages et le film est un vrai slow burner. C'est-à-dire que il dure 1h30. Ah, ça s'appelle Burning, c'est marrant. Ça, j'aime beaucoup ce genre d'humour. J'aime beaucoup ce que tu proposes toujours. J'aime bien. C'est c'est dur de se concentrer face à lui. Mais en fait, c'est-à-dire que le film dure 1h30, 1h40 dans mes souvenirs. Ouais, 1h30 dans ces eaux-là. Et pour être honnête, les meurtres vont démarrer. Bon, il y a un meurtre au début, mais tu sais, une prostituée, c'est pour la beauté du geste. Tu vois, c'est pour que ce soit bien. Et les vrais meurtres vont démarrer autour de 1h, 1h, 1h05. Mais vous inquiétez pas, sur la fin, on est récompensé. Sur la fin, on est récompensé. Oui. Mais je trouve pas le début chiant. C'est-à-dire que c'est 1 heure à suivre des gamins dans un camp. Ça pourrait avoir l'air chiant. Et quand on s'est tapé beaucoup de slasher, on sait que souvent, ce qu'on a qu'une envie, c'est de les voir mourir, genre, vite. Oui. Et là, il y a une écriture, il y a des personnages. Même le petit héros qui se fait un peu bully, je le trouve un peu mignon, je le trouve assez attachant, finalement. Vraiment, c'est pour ça que j'aime ce film. Et après, on n'est pas non plus triste pour eux quand ils meurent. Tu vois, ça reste très plaisant. Oui, non. Je t'avoue que c'est le film que je préfère de ta sélection. Oh ouais. Attends, tu spoil. Après, pour finir, rapidement, parce que on va évidemment en parler, mais les effets gore, c'est évidemment ultra bourrin, c'est vraiment ça taillade dans tous les sens, la scène du kayak, elle est parfaite. On va pas, je propose qu'on n'en dise pas trop sur cette scène. Voyez. Mais vraiment, c'est pour moi une des scènes cultes du slasher. Ah mais une des scènes cultes du slasher, vraiment. Ouais. Après, au-delà de ça, je trouve la musique défonce, la réelle, elle est ultra efficace. Elle tombe pas dans le tape à l'œil, mais on va dire qu'elle est très fonctionnelle, et finalement c'est ce qui me suffit. Et vraiment, c'est un film que j'adore, c'est ultra classique, mais c'est tellement, tellement, tellement efficace. Et c'est super drôle de voir plein de futures têtes d'affiche finalement démarrer avec un petit slasher qui réussit à atomiser la tête d'affiche Vendredi 13. C'est ça. Et toi, ton avis sur The Burning? Alors mon avis sur The Burning, c'est que moi je l'ai découvert assez récemment, je l'ai découvert quand Corentin m'a imposé la sélection. Je l'avais déjà en Blu-ray, donc je me suis dit, go, et oh le plaisir. Tu l'as en Blu-ray avec l'édition Rimini, c'est ça? Il me semble, ouais. Le nouveau master qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a quelques années. Quand même. Et magnifique, vraiment plaisir. The Burning, Carnage après. Carnage, il y a 8000 films qui s'appellent Carnage, donc. Oui, alors, si vous tapez Carnage, faites gaffe à pas tomber sur le Polanski. Vraiment, de chercher celui de 80, parce qu'il voilà. Y a le film avec Christophe Waltz, là, c'est. C'est ça. Ni le film qui s'appelle. Qui a pour titre alternatif Massacre au pistolet à clous, en français, qui s'appelle Carnage aussi. Nail Gun Massacre? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est c'est un slasher avec un mec qui tue avec un pistolet à clous. Et c'est bien? Je l'ai pas vu. D'accord. Mais apparemment il s'est fait bien cut en France aussi, genre amputé de 15-20 minutes. Ouais, sur la censure, on en reparlera sur mon deuxième film, ouais. Mais c'est le cancer des slashers modernes, et je pense que tous les fans de Fantastique sont à la recherche des versions les plus longues possibles, avec les plus de meurtres ou quoi, parce que bon, on en reparlera sur mon deuxième film, mais honnêtement, parfois ça peut faire mal. Ouais. Mais du coup, ouais, gros plaisir, et oui, comme disait Corentin, la mise en scène fait le taf, mais surtout, elle est efficace, quoi. Elle est... Elle tranche dans le vif. Elle slash. La mise en scène est slash, bah, et... Pour moi, ce qui résume tout, c'est la scène du canot, du kayak. Ça, c'est pas un grand coup de génie, mais c'est tellement cool, ça, et vraiment, ça a vraiment un payoff qui fonctionne. C'est beaucoup de slashers, la structure est la même, c'est-à-dire que le personnage se fait poursuivre, tué, c'est terminé. À quelques exceptions près, c'est souvent un peu décevant. J'avoue que moi, quand on me dit un payoff vraiment cool, je pense à la scène de la porte de garage dans Scream, qui est vraiment un de mes meurtres, je pense, préférés. Oui. Mais là, en termes de payoff... Le meurtre de Scream, je préfère quand même la scène d'intro. Oui, évidemment. Mais pour le coup, je dois admettre que vraiment le payoff de la scène du kayak dans Carnage, c'est top 3 des meilleures scènes de slasher. Des années 80, facile. C'est pas faux. Quelque chose à rajouter encore sur Carnage, parce que vraiment, c'est... Le film classique, mais qui. Faut pas trop lui en demander, mais c'est tellement, tellement bien. Juste voyez-le parce que c'est un film qui fait plaisir. C'est un film et qui surtout, fait plaisir. C'est tellement bourrin. Mais vous attendez pas, comme je dis, vous attendez pas à un truc qui va speed direct. Vraiment, ça prend son temps au début et ça vous récompense à la fin. Mais soyez assurés, quand ça vous récompense, ça fait pas les choses à moitié. C'est un film qui est généreux, finalement, c'est un petit bonbon. Un petit bonbon. Et la raison pour laquelle c'est mieux que Vendredi 13, déjà, ça joue mieux. Ça joue mieux, c'est mieux mis en scène, les meurtres sont plus efficaces. Au Vendredi 13, à part le meurtre de Kevin Bacon. Le meurtre à la hache. C'est vrai qu'il y a le meurtre à la hache, mais à part ces deux-là. Oui, en cherchant, tu peux devoir admettre qu'il y a celui de la cible, tu vois. Oui. Alors que moi, Carnage, je me rappelle de toute la scène du kayak, la scène de fin, la prostituée, le meurtre avec le cisaille dans la gorge, qui fait bien mal aussi celui-là. Bah, qui a d'ailleurs été plus ou moins repris dans Vendredi 13, 5, il me semble. Où Jason, entre guillemets, pour ceux qui ont Vendredi 13, 5. Ouais, j'avais demandé, le 5 c'est l'arnaque. C'est le copycat, c'est ça. Ouais, le 5 c'est l'arnaque. Et où t'as le. Du coup, un mec qui enfonce. Un mec des Guild Legends qui enfonce. Pareil, qu'il y a des cisailles, il les écarte pour avoir deux lames distinctes, il les enfonce dans les yeux du meuf. Ouais, ça, il y avait ça. Mais vraiment, vraiment, Carnage, c'est. Une meuf qui, évidemment, comme dans tous les slashers de l'époque, a les nibbers à l'air. Boobies! Carnage, t'as pas tant que ça de planichons. T'en as quelques-uns, mais t'en as pas tant que ça. C'est vrai. Mais pour le coup, même sur les films, on est plutôt léger en termes de nudité, à la limite. Et il y a le remake du tien. Qui est généreux. Qui est généreux en nichon. En beaucoup de choses d'ailleurs. Mais voilà, vraiment Carnage, c'est le petit bonbon des années 80, qui est beaucoup trop méconnu, qui a sa fanbase vraiment, qui est beaucoup trop méconnu, mais qui vraiment pour moi est dans le top 5 des meilleurs slashers à cette époque. Et il me semble que t'as vu le début de Madman, film fait à la même époque sur la même histoire. C'est ça, alors Madman, c'est quand même. On vous a dit que Vendredi 13 était un sous-burning. Madman est en ce moment Vendredi 13. Ouf! C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout con, mais il y a un meurtre à la hache dans Madman. Le meurtre à la hache est cut. Vraiment, on voit le mec lever la hache, on voit la victime crier « Ah !» et ça coupe. Dans Vendredi 13, quand il y a un meurtre à la hache, tu vois la hache en train de la gueule, quoi. Au moins, t'as le résultat. Voilà. Et ouais, non. Madman, ça peut avoir un petit charme, mais... Franchement, non, quoi. Bah, je te dis, voyez The Burning, restez sur The Burning, et vraiment, la musique de Rick Wakeman, ça tue sa mère. Vraiment, la musique de Rick Wakeman, exceptionnelle. Mais voilà, vraiment, voyez The Burning, c'est ma foi fort sympathique. Et je te propose qu'on passe au tien, si t'as rien à rajouter. On va passer au mien. Alors, donc le suivant. The House on Sorority Row. Du coup, j'ai déjà expliqué le titre alternatif du film, voilà. Ouais, voilà, le personnage de l'angoisse. On dirait une traduction de film de Argento. Tu penses à Card Player? Je sais plus. La troisième mère, c'était pas la mère des larmes en français? C'est Mother of Tears en anglais. Ouais, mais je pense que c'est pas resté. Ah non, c'est peut-être la troisième mère en français. En France, en tout cas, le Blu-ray français s'appelle Mother of Tears. Tu sais, moi, Argento, je préfère Dracula 3D. Hein. Et Giallo. Oh, quel bon film. Donc, The House on Sorority Row. On suit un groupe de 7, il me semble que c'est lequel dans 7. Oui, c'est Seven Sisters. Ouais, Seven Sisters, ouais. Un groupe de 7 étudiantes dans une sororité qui vont faire une mauvaise blague à la propriétaire de la maison qui va mal tourner et où la femme va être supposée morte. Et déjà, elle va être supposée morte en faisant une référence au Diabolique de Clouseau. C'est ça. Déjà, ça se refuse. C'est ça, le début du film est une bonne grosse référence au Diabolique de Clouseau, mais même le reste du film en général... Il y a tout un esprit diabolique de Clouseau, ce qui est pas déplaisant, parce que du coup, j'ai découvert les diaboliques de Clouseau pour cet épisode. C'est un excellent film. Qui est vraiment très cool, ouais. Ouais. Et donc, le soir même, les étudiantes organisent une fête, sauf que pendant cette fête, le cadavre va disparaître et des gens vont commencer à mourir de façon meurtrière. C'est-à-dire que c'est des personnes qui meurent de meurtre. Ah, c'est ma foi fort étonnant pour un slasher. C'est ça, fort original. C'est un slasher ton film par hasard ? Il y a des chances. J'ai hésité avec rom-com et western, mais au final, non. Non, c'est bien un slasher, je crois. Ouais. Et donc, on est sur un film, nous sommes un film. Oui, bon, j'ai rebois un coup pour moi. On est sur un film donc, sorti le 19 novembre 82 aux USA et diffusé aussi en 97 au Quentin Tarantino Film Festival pour la première édition du festival. Quentin Tarantino est fan du film ? Quentin Tarantino est fan du film, et... Tu savais que son slasher préféré, c'est Meurtre à la Saint-Valentin. C'est pas une blague. Excellent film, d'ailleurs. C'était gratuit, je te laisse reprendre. Accordons-nous sur un désaccord. L'original, hein, pas le 3D. Ouais. Non, mais... Tu l'as vu en version cut ? Il me semble. C'est pas... Est-ce qu'à un moment, t'as un gros coup de pioche dans une tête ? Je sais plus. Je te le jure, il tue. Donc on est sur un film qui a coûté 300 000 boules et qui en a rapporté 10,6 millions. Rentable. Donc écrit et réalisé par Mark Rossman, qui est un homme qui a réalisé... Alors le CV est assez large, c'est-à-dire qu'il a réalisé un épisode de la série Alfred Hitchcock présente. Pas vu. J'ai vu un épisode sur... un épisode adapté de Roald Dahl d'ailleurs. Sur une meuf qui tue son mari avec un gigot d'agneau congelé. Ça, c'est un meurtre original, ça, quand même. Et parce qu'elle découvre qu'il le trompe. Et pendant l'enquête, elle va être la suspect numéro 1. Mais elle va inviter les flics et les enquêteurs à manger chez elle. Et elle va leur faire manger le gigot. On fait disparaître les preuves. Ok, j'avoue, ça c'est smart. Ça, j'avoue, c'est smart. Ça c'est smart. Et je me rappelle aussi d'un épisode où ça se passe dans une prison pour femmes. Oh, les fameux films de prison pour femmes. Et t'as une meuf qui va vouloir s'évader. Et qui va s'arranger avec le fossoyeur de la prison en disant au prochain cadavre, je me fous dans le cercueil avec. Et toi, tu me déterres. Elle va faire ça. Il la déterre pas. Elle va se foutre dans le cercueil sans regarder qui est dedans. C'est le fossoyeur. Et c'est le fossoyeur. Allez. Voilà. Donc il a réalisé un épisode de cette série. Il a réalisé aussi deux épisodes de Ghost Whisperers, comme quoi l'éventail est assez large. 11 épisodes de Lizzie McGuire. C'est quand est-ce qu'il a réalisé Arabesque? Arabesque arrive après. Et le film Comme Cendrillon. Je n'ai vu aucun de ces trucs-là, tu vois, c'est... J'ai pas vu le film non plus. Il a été aidé par Bobby Fine pour des dialogues additionnels, mais qui a pas une grande carrière, donc on va passer vite fait. Au cast, on retrouve Kate McNeil, qui a joué notamment dans des films comme Incident de parcours de Romero. Excellent film, Monkey Shrine en VO. Que j'ai pas encore vu. Et Space Cowboys, où elle a un petit rôle dans Space Cowboys de Clint Eastwood. Pas vu. Mais aussi dans des séries comme Code Quantum, Babylon 5, on y revient, Ally McBeal, X-Files, Les Experts, Urgence... NCIS, Starship Enterprise, Mentalist, Grey's Anatomy et Arabesque. Et voilà, je l'attendais. Bah attends, elle a quand même un gros CV, elle. Elle a quand même un gros CV. La plupart des personnes du cast, en particulier des filles du cast, n'ont pas de grande carrière. Mais on a aussi Harley Jane Kozak, qui a joué dans Arachnophobie, Quand on rencontre Sally et Ice Pit Under Grave 3. C'est pas le meilleur. C'est pas le pire. Alors j'ai pas vu Arachnophobie dans l'eau, j'ai vu que quand Harry rencontre Sally. Arachnophobie c'est super. Bon après faut pas aimer les araignées. Hein, voilà. Et on a aussi Michael Kuhn qui lui a plus une carrière de producteur parce qu'il a produit entre autres Sailor et Lula ou encore Dans la peau de John Malkovich. Ça va, il y a pire. J'ai vu aucun des deux. Au FX on retrouve Rob E. Holland qui s'est chargé notamment des FX de Madman. Tiens, tiens, tiens. Les FX qu'on voit pas du coup. Les FX qu'on voit pas exactement. Donc comme j'ai dit, le film est librement inspiré des diaboliques de Clouseau. Et le film, en phase d'écriture déjà, pas forcément au montage, mais en phase d'écriture a eu quelques autocensures pour éviter d'être classé X. Voilà. Et petit fun fact encore, ça je m'en suis rendu compte en mettant pause sur le générique de fin, l'assistante monteuse du film est Rachel Talalay. Freddy 6 réalisateur de Freddy 6, mais surtout... De Tank Girl. Je connais pas. C'est elle qui a réalisé Tank Girl. Mais aussi productrice de toute la saga Freddy depuis le 3. Ah oui, bah oui, aussi. Mais moi, je la connais surtout parce qu'elle a réalisé Freddy 6. Qui est le pire de la saga? Ah, le remake, quand même. Le Freddy 6 pire, quand même. Ah, le remake, il est rude, hein, le remake... Il est rude, mais après, l'acteur, autant il passe. Autant il peut l'acteur, passer, il passe, ouais, l'acteur, il passe. Même le reste du cast, c'est Rooney Mara aussi qui est mort. Rooney Mara, ouais, mais Rooney Mara, elle est éteinte pendant tout le film, quoi. C'est... Oui, bah c'est Rooney Mara en même temps. Mais Ah, moi j'aime bien Rooney Mara. Mais non, après Freddy 6, non, il a le plan le plus pourri de la saga, qui est celui de la mort de Freddy. Avec la mort en 3D, là. Après, j'avoue, je suis pas très fan du 2 aussi. Le 2, ça va. C'est un mauvais Freddy. C'est un bon film, mais ça va. Toute la mystique crypto-gay. Ouais, c'est un mauvais Freddy, mais c'est un très bon film. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce film? Je vais commencer parce que c'est ma sélection, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Ascensor Rocky Road, et pour avoir vu d'autres films de ce film, j'ai cru te les dire, j'aime beaucoup Freddy 6. J'aime beaucoup Freddy 6, non. Mais pour avoir vu d'autres films de sororité en plus de l'époque, genre Sorority House Massacre 1 et 2. Alors ça, faut savoir, il m'a envoyé des messages en me disant « Attends, je me mate ça pour voir. » Moi, j'ai fait « Non, ça, je fais pas. » C'est-à-dire qu'au début, je voulais voir. J'ai vu l'affiche. Alors l'affiche, faut le voir pour le croire, on dirait un porno. Hein. Oui. C'est bien un truc à travers la fenêtre, là. Ouais. Ouais, voilà. On dirait vraiment un porno. Et ensuite, j'ai vu quelques images du film. C'est tourné... C'est de la pellicule, non, on dirait de la vidéo, quasiment. Vraiment, c'est très, très moche. Ah, c'est moche. C'est très, très moche. Ça fait très, très cheap. Et surtout, ça a l'air vraiment de mauvais goût. Je sais pas comment dire, mais ben, j'en parlerai sur ça. Bah, déjà, c'est très mal filmé, mais... Jusque-là, rien d'étonnant. C'est ça. Surtout, le 2 est réalisé par un certain Jim Wynorski. C'est pas celui qui a fait Vamp? Alors, je sais qu'il a fait du film de requin. Alors, il a fait surtout beaucoup de films de monstres. Et si, comme moi, tu regardes des youtubeurs ciné, notamment la chaîne Monstre de Films, oui, qui parle de films de monstres, il a parlé beaucoup de Jim Wynorski. Qu'il surnomme Monstre et Nichon, ce qui résume les films de Wynorski. Je retire tout de suite ce que je viens de dire, c'est pas du tout lui qui a fait Vamp, Mais je sais qu'il a fait un film de requin qui était très très très mauvais, tu vois. Mais bah, tiens, écoute, attends, là je suis sur sa page. Alors il a fait Chopping Mall. Ça va. Chopping Mall, ça va. C'est regardable, on va dire. C'est regardable. Mais après, il a fait Piraconda, Dino Croc versus Super Gator, The Bear Wench Project, B-A-R-E Wench, Komodo versus Cobra, oui. Sorority House Massacre 2, t'en parlais. Il y avait le 3 aussi. Voilà, Sharkansas Women's Prison Massacre. Alors, ça, je l'ai vu, et c'est une grosse merde. C'est surprenant, hein, mais c'est vraiment horrible. Il a fait un film que j'aime beaucoup, mais pas du tout pour les bonnes raisons, qui est Raptor. Ah, qui est une des suites de Carnosaur. De Carnosaur, qui ouais. réemploie des plans du 1 et du 2. Et du 3 aussi, non? J'ai pas reconnu le 3, mais j'ai reconnu le 1 et le 2, genre t'as le Dino Disco. Et je t'assure que quand t'as pas vu le 1 et... Oui, Disco Laser. Et quand t'as pas vu le 1 et le 2, ni le 3 d'ailleurs du coup, mais que tu vois Raptor, tu te dis, mais attends, mais il ressemble pas à ça avant? C'est très surprenant. Alors, surtout que Sorority House Massacre 2 réutilise des plans d'autres films. Des plans d'un autre film. De quel? En guise de flashback. Slumber Party Massacre. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais ça n'a aucun sens. D'un coup tu dis, attends, c'est bien filmé, qu'est-ce qui s'est pas bien filmé? Attends, c'est regardable, qu'est-ce qui se passe? Mais donc pour revenir à House and Sorority Row, parce qu'on s'est quand même bien éparpillé, c'est vraiment très cool. C'est un slasher qui a une mise en scène assez inventive et franchement qui fait bien le taf. Il y a quelques plans, notamment la fin avec les hallucinations qui sont c'est vachement bien. Et y a un bon twist surtout, il y a un bon twist dans le film. Ouais. Et les meurtres. J'ai une anecdote sur les meurtres. Je sais pas si tu l'as peut-être noté. Je crois pas avoir noté d'anecdote. Alors sur les meurtres, faut savoir qu'en fait le film a été tourné vraiment, il était très soft à la base. Okay. Et il y a des workprints où en fait on le voit le film tel qu'il devait être, c'est-à-dire qu'il a aucun plan gore. Et en fait, les exécutifs ont demandé à rajouter des plans gore dans le film. Alors le film c'est pas Carnage. Je pense que c'est le plus soft qu'on ait à égalité avec Silent Night, Bloody Night. Alors, Cherry Falls aussi, mais Cherry Falls a une excuse vraiment valable. Même si House on Sorority Row est déjà un peu plus vénère. Mais en fait, faut savoir que les plans gore ont du coup été tournés limite dans le garage du réal, d'ailleurs sur certains plans, notamment... Dans le jardin. Dans le jardin du réal. Oui, et d'ailleurs, ça se voit parfois. Je pense notamment au plan d'un meurtre, d'un type avec une casquette. C'est-à-dire que tu vois le plan, il se fait tuer, tu vois l'insert gore, et c'est pas du tout la même lumière. Bizarrement, c'est pas la même. Mais non, j'ai une anecdote là-dessus, en fait, c'est que du coup, la base de Real voulait pas du tout un film gore. C'est qu'en fait, les exécutifs ont dit non, ce qui fonctionne, c'est Carnage, c'est Vendredi 13, c'est les films gore, il faut des inserts gore. Et du coup, le film a été un peu charcuté, mais dans l'autre sens, cette fois, c'est-à-dire qu'on lui a injecté du gore. Ce qui donne un résultat qui est pas déplaisant, mais ben, je détaillerai plus en détail mon avis plus tard. Mais je pense que c'est un des rares films où il s'en tirerait aussi bien sans le gore. Je pense qu'il est... Oui, c'est vrai. Parce qu'il est... Enfin, je le dirai plus tard, mais je le trouve complètement sauvé par ses autres qualités. Bah, il a eu déjà une excellente mise en scène. Ah ouais. C'est du quasiment inspiré de De Palma, par moment. Ça, je t'avoue que je m'y connais pas assez en De Palma, j'ai pas vu cette De Palma. Bah, en fait, il y a des constructions de cadres qui font vachement penser à De Palma. C'est plein d'idées toutes bêtes, tu vois, mais... Comment dire? Tu vois que le mec sait filmer, qui sait filmer ses intérieurs, qui sait filmer de l'angoisse, qui sait retranscrire de l'angoisse, et qui... La scène du grenier, à la fin, notamment. J'adore cette scène, mais aussi, même, il y a plein de petites idées. Par exemple, je t'en parlais, mais à la fin, lors d'une poursuite, il y a un travelling compensé sur la fille qui court dans le couloir. Ça crée vraiment une impression de malaise, je trouve. Et c'est un film qui, pour moi, ce que j'en retiens, c'est pas ses meurtres, ce qui est étonnant pour un slasher, mais c'est vraiment sa mise en scène et sa retranscription de l'angoisse. Et son écriture aussi, genre j'en reviendrai juste après. Mais oui, House on Sorority Row, c'est un film qui est vraiment... Dans le haut du panier. Dans le haut du panier des slashers de l'époque. Et oui, qui brille, peut-être pas par ses meurtres et son gore, mais vraiment par son écriture, sa mise en scène. Sa maîtrise de l'angoisse, comme on disait, la scène du grenier qui est... C'est la scène de fin, ouais, du grenier. La scène de fin du grenier, ouais, qui est vraiment en cordeau avec ce Jack in the Box et cette musique... Qui revient. Ouais, mais c'est... Et en fait, faut savoir, sur l'écriture du film, un détail qu'il y a à noter, c'est que, surprise, les personnages ont une consistance. On va parler du remake juste après. Et en fait, les personnages, là, ont quelque chose à faire valoir. C'est avec moi, il y a une scène que j'aime beaucoup aussi, t'en as pas parlé. C'est au début du film. En fait, tu vois toutes les... scènes de l'accouchement. Non. Alors, ça, là, je trouve que cette scène ne sert à rien. En fait, parce que le problème, c'est qu'elle t'évoque le twist, la scène de l'accouchement. Bah, elle sert à induire en erreur un peu sur ce qu'est le twist. Oui, mais moi, pour le coup, surtout que c'est un... Enfin, je me demande si ça n'a pas été rajouté après, pour le coup, parce que t'as une espèce de filtre vraiment pas très beau. C'est assez... J'avoue que le film démarre sur cette scène d'accouchement, je me suis dit, où est-ce qu'on est? Mais non, non, c'est pas cette scène-là que je pensais, c'était à la scène où elles vont toutes boire ensemble, en fait. Ouais. Elles sont toutes en train de boire tranquillement, et elles parlent de leur avenir. Mmh. Et tu vois, bah, déjà que ça joue super bien. C'est-à-dire, oui. On va y revenir au fil de nos films, mais pour le coup, Carnage, autant ça jouait pas trop mal, autant Silent Night, Bloody Night, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Mais alors, spoiler sur la suite, Fiancé de Chucky, ça va. Fiancé de Chucky, c'est pas incroyable, mais ça s'en sort. Mmh. Mais Cherry Falls, tous ne sont pas au niveau. Dream Home, ça va. Mais tu vois, on prend Vendredi 13, ou ses suites, surtout les suites d'ailleurs. On prend Freddy 2 et 3, et les suites, c'est compliqué. Là, ça joue super bien. Et en fait, des personnages ont, en peu de scènes, peu de lignes de dialogue, une consistance. Elles ont une personnalité, elles ont quelque chose. Ah, c'est vrai. Et ça donne au film un côté super badant, en fait. C'est-à-dire, tu vois des petites jeunes que tu voyais 10 minutes avant faire « Ah, plus tard, je veux faire ça », se faire défoncer. C'est... plutôt surprenant quand même pour un film de cette époque-là. On la mettra en off, mais ça me rappelle la blague de Hitler, tu m'as visité un camp de concentration. Oui, oui, non, c'est, mais... Guten Tag, mein Kinder. Tu sais, il a un petit plaisir sadique, c'est d'aller voir les victimes. Mais Guten Tag, mein Kinder, alors, quel âge as-tu? Eh ben, j'ai 6 ans dans 2 mois. Ah, c'est bien d'être optimiste. Non, mais c'est... Voilà, on va peut-être la cut, celle-là, je sais pas. Non, je la laisserai. Non, mais c'est... Non, vraiment, et à l'absence de Sorichiro, après, faut vraiment pas s'attendre à un slasher 80s. Oui. Si jamais vous vous attendez à Vendredi 13, Carnage ou Freddy, ça risque d'être décevant. Attendez-vous plutôt à un film comme Halloween, en fait. Ouais, Halloween, ou tu vois, nous, des De Palma, mais genre Dress to Kill ou Sisters, mais en moins gore. Mais vraiment, ouais, je pense que c'est le bon exemple, plutôt, qui s'inspire directement d'Halloween. Je trouve pas qu'il atteint la maestria de sa mise en scène. C'est-à-dire même, je cite De Palma, bon, on n'est pas chez De Palma, hein, voilà. Mais c'est un slasher qui a une mise en scène, qui a une écriture, et il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même... Tu parlais de Sisters, de Palma Sisters, dont le nom français est Sœur de Sang. Sœur de Sang comme le remake. Oui, tu veux tout de suite passer sur le remake. On peut. Bah, sur le remake, bah, c'est... pour moi, je vais faire tout simple, c'est-à-dire que je le déteste pas. C'est-à-dire qu'il perd toute sa mise en scène, toute son écriture au profit de meurtres un peu plus inventifs et d'un truc un peu plus fun. Mais je dois admettre qu'il représente aussi pas mal pourquoi est-ce que l'horreur des années 2000 me touche moins. L'horreur slasher, en tout cas. C'est-à-dire que les personnages sont cons, mais sont cons à en pleurer, vraiment. Certes. En termes de meurtre, c'est vite fait gore, mais on est... En fait, il y a eu Massacre à tronçonneuse, le remake, qui a lancé cette espèce de vague spell, ouais. De gore vraiment, vraiment crade. Ouais. Et là, il y a un peu de ça, mais pff, on est... Ouais, c'est pas non plus grand-chose. Mais je trouve le film teubé, en fait. Et même son remake, c'est un espèce de pseudo-remake de Souviens-toi l'été dernier. Alors, apparemment, il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire, j'en avais parlé, mais c'est au début. Alors, en fait, le film s'ouvre sur des filles qui veulent faire croire à un mec que qu'il a tué sa copine. Donc déjà, le bon goût. Oui, mais déjà, sa copine à qui il a donné une sorte de GHB. Voilà, donc le bon goût, vraiment. Voilà. On est sur la classe. Donc déjà, fini la mise en scène du premier, fini l'angoisse, fini la référence au diabolique. Là, on est plus dans la référence à American Pie, tu vois. C'est... Là. Ils emmènent le mec dans une mine d'argent en disant avec donc, le faux corps de leur copine, donc qui fait semblant d'être morte. Et il y a un plan qui est très drôle, c'est-à-dire tu vois, au premier plan, on voit les deux filles de la bande parler, genre... Trois, je crois qu'ils sont trois. Trois, ouais, en tout cas, qui parlent et qui font « Ouais, dès qu'on aura fini, il faudra qu'on fasse ça, qu'on se débarrasse du corps, et ça. » Et en arrière-plan, on voit le mec prendre un essieu, et chta, il planque la meuf, on entend juste « Ah !» On entend lui hurlement, et j'avoue que ça m'a fait rire, parce que je me dis « Mais il est con !» Et tu te rappelles de ce qu'il y a à ce moment-là? Non. En gros, elle parle de le jeter dans la flotte, et en gros, il prend le truc, ouais, l'essieu, là, et il dit... Comme ça, il n'y aura plus d'air dans ses poumons. Non, bref, voilà, le remake est pas déplaisant. Après, par contre, le réalisateur semble avoir une complaisance assez malsaine sur les fêtes d'ado. Genre, l'intro, c'est un long plan séquence. Trop long. Dans une fête d'ado. Mais plan séquence qui se termine quand même, ou qui est vers sa fin. Carrie Fisher. Oui, alors ouais, c'est quand même peut-être... Enfin, j'avoue que j'étais gêné, moi. Carrie Fisher qui gueule, ouais, je vis avec 50 salopes dans cette maison, tu sais, genre, tu vois, oh, la vache, on a du mal à se relever à ça après Star Wars, Ouais, il y a eu Scream 3. Ouais, c'est ce que je dis. Non, c'est pas déplaisant comme remake, mais j'avoue que... Ouais, l'original, quand même, enfin, mise en scène, écriture, jeu d'acteur, tout. Même le look du tueur, dans l'original, on en a pas parlé, mais espèce de clown, là. Ah oui. Non, dans le grenier, je trouve vachement. Oui, c'est vrai. Et l'arme du tueur dans l'original. Tu le vois à peine, mais ouais. Bah, et surtout, enfin, comparons les armes des tueurs. Dans l'original, c'est une canne tranchante. C'est vrai. Simple, efficace. Ma foi, très bien. Oui. Dans le remake, vous imaginez un essieu de voiture, couteau suisse. C'est-à-dire que chaque branche donne une arme. C'est, alors, il est sur l'affiche, hein. Vous tapez Sorority Row, l'affiche américaine, vous voyez dessus. J'invite à la regarder si tu veux. Elle est très très moche d'ailleurs, l'affiche, hein. Je la trouve très très moche. Mais cette arme est complètement débile. Et à la fin, faut savoir, il s'en sert comme un boomerang. Hein. Il la lance partout. Genre, il attache une corde dessus, il la lance sur une fille, il la ramène avec la corde. Enfin, c'est ça. Et oui, et le twist de fin du remake aussi, c'est pas terrible quand même. C'est vrai, ouais, voilà, c'est cette affiche-là. Voilà. On l'a sous les yeux. Voilà, on est dans la classe. Ah, sinon, il y a cette affiche-là aussi. Pacto Secreto. Pacto Secreto. Ouais, l'affiche espagnole aussi, elle a de la gueule. Oh putain, qu'elle est moche. Non, vraiment. Non, ouais, mais. Ouais, toi, t'as pensé c'est, quoi? C'est italien parce qu'il y a un E accent aigu tout seul. Ok, l'affiche italienne. Oui. T'as pensé quoi, toi, du remake du coup de Sœur de Sang et pas le de Palma? Pas le bon, l'autre. Mais je l'ai bien aimé, figure-toi. C'est. Ouais, c'est un remake que j'ai bien aimé. C'est Après, t'as pas vu le bal de l'horreur ou les merdes comme ça, toi? Le bal de l'horreur, j'ai vu l'original que je trouve mou de la tige, mais ça ne regarde que moi, mais après, oui, j'ai pas vu tous les remakes de cette époque-là, même si j'en ai quand même vu pas mal. Le Freddy, il est dur quand même. Le Freddy est dur, mais j'ai quand même une légère sympathie. Bah, à la limite, l'acteur se défend, mais c'est rude. D'ailleurs, fun fact, l'acteur, c'est quoi son nom déjà? Jackie Earle Haley. Tu sais qu'il accompagnait un de ses potes en 84 pour une audition. Ouais, je sais. Il accompagnait Johnny Depp pour l'audition de Freddy le Griffe de la Nuit. Et qu'ils ont pris Johnny Depp à la place parce qu'il était plus beau gosse. C'est ça. Mais que le mec s'est retrouvé à jouer Freddy au final. Après, l'anecdote est vraie, mais je sens qu'elle a été démentie ou des trucs comme ça. Je suis quasiment sûr qu'elle est vraie. Suis quasiment sûr qu'ils nous avons fait un serial killer. Serial killer. Mais non, c'est un mec que j'aime bien. Mais c'est complètement con, je l'aime pour des raisons toutes débiles, à savoir que juste. Le meurtre dans la mousse. Le meurtre mais... dans le monde charge. Mais Je suis là, putain. Qu'il est con, lui. Ah, qu'il est con, mais. C'est décomplexé, c'est des séries prises, moi j'aime bien. Le psychologue BDSM. Tu sais, le psychologue qui est attaché à son lit. Ah oui! Ah, ça! Ah, c'est. Un meurtre à la bouteille aussi, hein. C'est... le meurtre dans la mousse, enfin, je te laisse raconter le meurtre dans la mousse, mais moi j'avoue que je l'ai vu, je me suis dit, ah, on est sur ce terrain-là quand même, c'est ce niveau de bêtise. Tu veux que je la raconte là ou... Bah, je te raconte le meurtre dans la mousse, vas-y. Non, mais vas-y, raconte-le. Bah, ok, c'est tout simplement un personnage qui se fait traîner dans la mousse par le tueur. Et le tueur se sert de la mousse, c'est un espèce de bain moussant jacuzzi, se sert de la mousse pour se cacher et lui tirer une fusée éclairante dans la bouche. Yes. Non, mais vraiment, et moi j'avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit non, mais il va pas se cacher dans la mousse quand même. Et si, il se cache dans la mousse. Après, pour le coup, enfin, le twist de fin du tueur du remake, il est quand même crétin. Si tu vois ça, tu fais. Pff. Mais bref, en tout cas, enfin, moi je reste sur l'original. Genre, vous voyez l'original. Au moins, il y a plus d'intention de cinéma que dans le remake. Même si le remake, ouais. Enfin, c'est pas le pire de sa vague. Hein, je pense que le pire, ça reste vraiment le bal de l'horreur. Mais on est quand même sur du dur. C'est quand même pas facile le remake. Voilà. Tu veux passer à la suite directement? Je vais passer à la suite. Donc, le suivant, c'est aussi un des miens. Ton dernier film. Mon dernier film. On va parler d'une saga de slasher très connue. On va parler de la fiancée de Chucky. Donc de Chucky pour la saga, parce que si j'aimerais que la fiancée ait une saga, elle est toute seule. Oui, même si elle a plus ou moins lancé le diptyque avec le 5. Ouais, c'est peut-être pas mieux qu'il n'a pas eu de saga, en voilà. Fait. Voilà. Après, techniquement, j'avais vu une vidéo sur la rétrospective sur la saga Freddy, qui disait que, en gros, les gens divisent la saga Freddy en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Là, ça se vaut comme séparation. Mais que le mec préférait qu'on sépare ça en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'en gros, le 6, 5, 7, c'est. T'as le fils de Chucky, le fils, la malédiction, Curse et Cult of Chucky, ouais. En gros, bon, après, c'est un mec qui aime pas. On parle de Dom Mancini, là. C'est ça. Donc, en gros, à partir du 5, les films sont réalisés par Mancini. Et surtout, il n'y a pas une histoire de droit où, en fait, le nom de Chucky lui appartient, mais le nom de Child's Play appartient pas à lui. Parce que je sais que, en fait, c'est pour ça. Qu'à partir de la fiancée de Chucky, il me semble, il n'y a plus le nom de Child's Play. Genre, les 1, 2, 3, c'est Child's Play 1, 2 et 3. T'es sûr de ça? Ouais, même le 3, il me semble que c'est Chucky, genre Child's Play 3, Chucky ou un truc comme ça. Le 2, c'est Child's Play 2, le retour de Chucky. Et en fait, à partir du 4, t'as la fiancée de Chucky, le fils de Chucky, Curse et Cult. Tu vois, et le 3, c'est Child's Play 3. Ouais. Ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, Child's Play 2, oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la série porte le nom de Chucky et pas le nom de Child's Play. Okay. Et que le 2019 portait le nom de Child's Play. Oui, que j'ai envie de revoir d'ailleurs le 2019. J'en ai pas un souvenir très très brillant. Moi non plus, mais Mark Hamill en Chucky. Voilà, Mark Hamill, j'étais sûr. Mark Hamill en Chucky. Ouais. Si on fait un épisode sur les acteurs de Star Wars dans le cinéma d'horreur, Ah non. Moi, je prendrais Blues Brothers 2000. Sacré film d'horreur. Film horrible, surtout. Je prendrais déjà Body Bags. Ah, ok, un point pour toi. Parce que tu peux pas plutôt faire un épisode Carpenter, ce serait peut-être plus simple pour le C'est vrai, on est bien film à sketch. Je prends Creepshow. Perdu. Je te laisse nous parler de la fiancée de Chucky. Ou alors, je peux parler du réel rapidement? Parle, introduis-nous, pas tout, s'il te plaît, mais introduis-nous, introduis-nous. Ronnie Yu, qui est un réalisateur hongkongais, qui a fait donc la fiancée de Chucky, et plus tard, qui réalisera Freddy vs. Jason, que moi j'aime beaucoup. J'adore, c'est mon Vendée 13 préféré, et c'est peut-être même mon Freddy préféré. Freddy, je reste sur le 3 ou le 7, moi. J'avoue que j'ai... Et Vendée 13, le 6. Le 6, pour moi, c'est trop fort. Le 6, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup le 4 aussi. Le 4, ouais, le 4, bah, c'est le dernier bon avant le genre la chute du 5, le relevé du 6, et le 7, où là, à partir de là, ça descend. Ah non, le 7, je l'aime bien quand même avec cette meuf avec les pouvoirs télékinésiques. J'avoue que dès le 7, pour moi, c'est compliqué. Par contre, le 8 est vraiment un naufrage total, c'est le pire de la série. C'est celui à Manhattan, le 8 ? Ouais. Ah, il est dur, d'ailleurs. Il est dur. Je suis pas fan, j'aime vraiment pas Jason X non plus, alors que beaucoup le voient comme une sorte de nanar. Ah non, c'est nul. Ah, c'est nul, oui. Non, il y a le meurtre à l'azote. Il y a qui est un des meilleurs meurtres de la saga, mais la douille que c'est fait quand il y a Crocro, ouais, tu auras le meilleur meurtre de la saga, t'inquiète, non, il se prend une machette dans le bonsoir, dos. Non. Non, et donc Ronnie Yu, donc qui a un résident hongkongais, qui a réalisé des films que j'aime beaucoup, notamment Bride with White Hair, la fiancée aux cheveux blancs, comme ça en français, à vérifier. Mais tu peux me fact-checker le titre français de Bride with White Hair, qui est vraiment un film que je trouve exceptionnel, qui est un Wu Chapian, que vraiment je vous recommande très très très fort. Qui est très très très beau, en plus d'être vraiment, je sais pas, super inventif, super... vraiment un très bon Wu Chapian, trop souvent il va oublier. Il a aussi réalisé Fearless avec Jet Li, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est aussi un très bon Wu Chapian. La mariée aux cheveux blancs. La mariée aux cheveux blancs, pardon. Et il a également réalisé Magic Warriors, qui est un... Je vais pas trop vous en dire sur Magic Warriors, je vous inviterai juste à aller le voir. C'est... Un film original, on va dire. Un film original, j'en dis pas plus, mais je vous laisserai le découvrir. Je te laisse reprendre sur le meilleur Chucky de la saga. Je spoil déjà mon avis. Je spoil mon avis aussi, c'est le meilleur de la saga. La concurrence est pas rude. Ah si, Cult il est bien, Cult il est vache. Cult il est cool, mais même le 1, j'aime beaucoup le 1 et j'aime beaucoup le 2 aussi. Le 1 et alors, le 1 et le 2 sont cool. Le 3, enfin si on. J'adore la fin du 2 surtout. Si on fait un rapide truc sur la saga, le 1 il a son charme. Oui. Le 1 il a sur. Le 2, la fin c'est avec. Après, le 1 c'est réalisé par Tom Holland qui a aussi fait Fright Night. Fright Night Shadow. Oui. Le 2 après c'est la fin, c'est dans l'usine. Oui. Ouais, le climax c'est cool. Après, je me rappelle pas de la suite, je me rappelle juste de la fin. Oh, il y a le meurtre de la prof. Avec Uta Chucky qui arrive avec la règle comme ah ça. Ah oui, putain, ouais, ça, ouais, ok, le 2 ouais. Après, il y a le 3 qui je trouve être une catastrophe. Avec le camp militaire. Enfin, le 3, hein, ouais, je me rappelle très bien, mais ouais. Le 3, je le trouve agressivement nul. Le 4 qui est le meilleur. Le 4 qui est le meilleur. Le 5 que t'as vu, que t'as découvert il y a pas longtemps, que moi j'en ai un souvenir. Je l'avais jamais vu en entier jusque hier. D'ailleurs, tu regrettes de. Et vraiment, c'est nul. Chucky qui se branle pour récolter du sperme pour inséminer artificiellement Jennifer Tilly. Alors qu'à la fin de Bride of Chucky, elle accouche déjà. Oui, non, alors c'est Tiffany Poupée qui accouche déjà. Ah, peu là, il insémine Jennifer Tilly. Ah, je m'en rappelle. Qui joue son propre rôle pour avoir un corps pour Glenn. Ah, c'est méta en fait. Non, mais c'est. Après, il y a Curse of Chucky, que moi je l'ai vu qu'une fois, il y a très longtemps. J'avais un super souvenir. Moi aussi, et Cult of Chucky. Surtout, Curse of Chucky, c'est gothique. Et tu sais que moi, le gothique, ça me parle. Et Cult of Chucky, qui s'est fait défoncer à sa sortie. Qui est cool. Qui est super cool. Est super cool. Dans l'hôpital psychiatrique, là. Et la série de Chucky, qui est, pour moi, je trouve, on en parlera à la fin, mais la meilleure série slasher proposée actuellement. Enfin, je trouve, en tout cas, c'est la plus intéressante. Avec Scream, oui. Alors, Scream, ça, c'est toi qui penses ça. Mais non, vraiment. D'ailleurs, la saison 2 a commencé il y a quelques temps. J'ai l'épisode 1. J'attends qu'elle se termine pour la voir. Mais je savais Chucky qui déboîte les homophobes ou quoi. J'ai vu ça, je me suis dit, mais oui. C'est franchement. Ce dialogue, il y a un dialogue entre le perso principal, du coup, qui est gay dans la série, et Chucky. Et t'as Chucky qui dit mais tu sais, j'ai un enfant. Non-binaire, yeah, les gender fluid. Et t'as le gosse qui fait, mais ça te dérange pas? Mais je suis pas un monstre, enfin. Non, c'est génial. Non, et pour le coup, je pense que Chucky, c'est peut-être génial. Une des sagas avec Freddy qui est constamment intéressante. C'est-à-dire qu'à part le 3 que vraiment je trouve horrible, et même le fils de Chucky, il a, enfin, au moins il a des affiches rigolotes. Mais je trouve que c'est une saga qui a quand même l'affiche hommage à Shining. Tu penses à ça? Non, pas celle-là. Non, l'affiche hommage à American Gothic. De Sid. Ouais, de Sid of Chucky. Tu peux chercher, tu vois Chucky et Tiffany. Qui imitent American Gothic Et en fond, tu vois un oiseau passer. Ouais, là, t'as l'affiche aussi qui hommage à la création de l'âme. Mais vraiment, et surtout, anecdote sur Jennifer Tilly, faut savoir qu'elle adore son rôle de Tiffany. Et que chaque fois qu'elle va en convention, elle a un collier Tiffany. Elle adore son personnage. C'est que sur l'édition collector, la VHS box de ESC, ouais. T'as des petits tatouages dedans, dont le tatouage Chucky avec un cœur qu'elle a sur le nichon. J'adore. mais bref, on s'est, ma foi, fort éparpillé. Est-ce que tu veux nous parler du coup du meilleur Chucky, finalement? Alors, le meilleur Chucky, ça raconte quoi? Donc, Chucky est totalement explosé et démembré après la fin du 3. Ouais, jusque-là, ça, il avait une à peu près une belle gueule. À peu près. Mais Jennifer Tilly, donc Tiffany, la fiancée de Chucky, va draguer un flic qui va, pour ses beaux yeux, voler le reste de Chucky. Elle va buter le flic ensuite. Elle va le réanimer grâce au vaudou pour les nuls. Oui, c'est vrai en plus. C'est même pas une façon de parler, c'est littéralement le bouquin. Le vaudou pour les nuls. Chucky va ressusciter. Parce que, en gros, Tiffany ressuscite parce qu'elle pense que Chucky est son grand amour, qu'il voulait l'épouser avant qu'il se fasse tuer au début du 1. Naïve, c'est ça. Chucky est juste un gros connard comme à son habitude. Alors, elle va le foutre dans une sorte de cage. Pour se venger, Chucky va la buter. Non, dans un lit pour bébé. Dans un lit pour bébé. Quelle bouche. C'est-à-dire qu'il peut pas sortir. C'est super drôle. Pour se venger, Chucky la bute. Avec une très belle mort. On ne la spoile pas, mais une très belle mort. On ne la spoile pas. Je vais devoir la spoiler un peu après. Ok. Mais et il va l'incarner dans une poupée. Et donc, s'ils veulent retourner dans des corps humains, ils doivent se rendre sur la tombe du corps humain de Chucky. De Charles Ray, du coup. Charles Ray. Pour récupérer le cœur de Dambala, une amulette vaudou qui leur permet de reprendre des corps humains. Sauf que, pour ça, ils vont devoir traverser le pays. Faire un road trip. Où ils seront conduits par Catherine Heigl et son mec. Et on a parlé de Jennifer Tilly, mais est-ce que tu peux dire qui est la sublimissime, l'incroyable voix VO de Chucky? Évidemment, Brad Dourif. Brad Dourif. Le grand Brad Dourif. Peut-être que c'est son meilleur rôle quand même. Oui. J'avoue que je l'aime beaucoup pour les très mauvaises raisons, mais dans Combustion Spontanée de Toby Hooper. Ah, j'ai le DVD, je l'ai pas encore vu. C'est un film qui a un problème aussi. Mais ça, enfin, franchement, enfin, j'en mais juste sa voix et ses vannes m'ont fait pleurer de rire devant le film. Mais oui. Et surtout, donc Brad Dourif, c'est le shérif Brackett dans le remake d'Halloween. C'est le scientifique complètement... Death Machine de Stephen Norrington. C'est surtout le scientifique complètement taré dans Alien Resurrection. Putain, oui, aussi. Qui essaie de galocher l'alien à travers la vitre. Oh j'ai des images bizarres là, c'est... Mais surtout il est dans Death Machine de Stephen Norrington, je sais pas si t'as vu ce truc. Non. C'est... Ça tue Death Machine. Et il est dans l'Exorciste 3, c'est le tueur du Gémeaux. Ouais. C'est Grima Langue de Serpent dans le Seigneur des Anneaux. C'est Bref, il a une carrière longue comme le bras et c'est un grand acteur. Faut qu'il soit très bien dirigé. Mais quand il est très bien dirigé, il est ultra efficace. Alors j'ai pas encore vu Volsonen Coucou, mais C'est très très très grand film et dedans... Vraiment il est bon. Mais donc oui, évidemment, et donc du coup, dans ce road trip, des péripéties vont faire que Chucky et Tiffany vont perpétrer des meurtres. Beaucoup de meurtres. Il y en a pas tant que ça en body count. Il y a le flic au début face à Hellraiser. Avec notamment une punchline dessus, genre avec Chucky qui fait « Ouais, ça me rappelle quelque chose. » Pourquoi tout cela me semble si familier? Voilà, c'est ça. Pourquoi tout ça me semble si familier? Il y a l'autre flic qui les prend en chasse, qui se fait exploser à l'essence. Alors, on spoil les meurtres comme des bâtards, là. Voilà. Sautez de 20 secondes si vous les avez pas. Il y a le double meurtre au waterbed. Le couple. Avec le miroir qui leur tombe dessus. Incroyable. Meurtre, lui. Vraiment, pour moi, c'est mon préféré. Ouais. Alors, c'est pas un meurtre, mais le pote qui se fait éclater au camion. Éclater par le camion. C'est le seul un peu moche, d'ailleurs, je trouve, avec l'effet numérique. Un peu, ouais. Il y a celui qui se fait poignarder plusieurs fois. Lequel se fait poignarder plusieurs fois? J'en ai souvenir d'un gars qui se fait poignarder plusieurs fois à l'arrière du camion. Après, je peux m'être trompé. Pour le coup, je les ai pas mal enchaînés. Ah, c'est ça. En fait, c'est le mec Hellraiser qui se réveille et qui se refait chasser. C'est ça. Dans le milieu, on appelle ça faire une ziaque. Ça, c'est des vrais couteaux. Mais bref, je vais te dire, pourquoi est-ce que c'est le meilleur de la saga? Pourquoi c'est le meilleur de la saga? Déjà, c'est le plus drôle. Ah mais bon, c'est très drôle. Les vannes sont exceptionnelles. Les meurtres sont les plus inventifs de la saga. Il est très très gore, surtout. Il est surtout très gore et Plus la mise en scène est folle aussi, la mise en scène retranscrit tellement bien les meurtres, c'est magnifique, c'est jouissif. Bah c'est Ronnie Yu, c'est, on voit un savoir-faire hongkongais qui est de filmer l'action et de cutter au bon moment, montrer le bon élément de scène, faire une bonne composition de cadre, pas pour faire du beau, mais juste pour faire de l'efficace. C'est ça. On a aussi, c'est un des films, alors c'est pas une qualité en soi, mais c'est un film qui quand même étoffe le lore de Chucky à base, c'est-à-dire que c'est le film qui nous introduit la fiancée, il nous a introduit le fils de Chucky à la fin, parce que Tiffany accouche, du coup. Je suis pas d'accord sur le fait que c'est pas une grande qualité, parce que justement, il le fait, mais de façon super maligne, en faisant référence directement à Bride of Frankenstein. Oui. Et ouais. C'est, ça amène quand même... Mais donc, le personnage de Chucky, un des problèmes qu'il avait, qu'on avait dans le 3, c'était que, est-ce qu'il peut porter un film tout seul au final? Pas forcément, parce qu'en fait, ça devenait, au fur et à mesure, un sous-Freddy, qui faisait des vannes quand il tuait. C'est ça. Là, le fait qu'il ait quelqu'un comme lui, entre guillemets, oui, littéralement comme lui, pour réagir, ça fait qu'il a enfin un alter ego, et que là, ça va, mais à tout va, genre moi, la scène où ils couchent ensemble, et Tiffany lui fait « Attends, attends, mais t'as une capote ?» Et il fait « Mais, hé, je suis fait en latex !»« Je suis fait en caoutchouc !» C'est génial. Alors, j'ai les dialogues québécois en tête, c'est « Attends, Jackie, est-ce que t'as un condom ?»« T'es sérieuse, Tiffany ? Je suis fait en caoutchouc ?»« Je crois qu'il était fait en plastique !»« Tiffany, quoi ? Embrasse-moi !» Non, vraiment, Bride of Chucky, c'est exceptionnel. Et moi, pour le coup, merci de l'avoir repris, parce que j'en avais un bon souvenir. Mais quand je l'ai revu, mais je me bidonnais devant comme c'est pas permis. C'est incroyable, Bride of Chucky. Les vannes de Brad Dourif, ce sont juste... Tu parlais de références à Bride of Frankenstein. On va parler des nombreuses références que fait le film. Très bon Dieu. Alors, le film, déjà, rien que dans sa scène d'intro, dans la salle des scellés, fait une référence à 5 films d'horreur. Halloween. Déjà. Halloween, Vendredi 13, avec le masque de Jason, et le masque de Michael Myers, du coup, pour Halloween. Le gant de Freddy. Le gant de Freddy. La tronçonneuse de Leatherface. Ouais. Et je l'ai appris, ça je l'avais jamais vu de moi, mais je l'ai appris en regardant les trivia sur IMDb. La boîte sous l'escalier de Creepshow. La boîte sous l'escalier de Creepshow ? Ouais. Laisse-moi vérifier à l'instant, je te laisse continuer. Et aussi du coup, Tiffany regarde Bride of Frankenstein à la télé quand elle se fait tuer, et juste avant, elle regarde Arabesque. T'as réussi à le placer, je t'en applaudis. Je confirme, j'ai bien une image de la boîte sous l'escalier, et j'ai aussi une image de la pop Tiffany. Montre. Joli, j'avais déjà vu. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Et donc voilà. Écoute, t'as réussi. Le fil rouge. Écoute, t'as fait ce qu'on peut appeler finalement un grand chelem. C'est ça. Et sache que je te remercie pour ça. Merci bien. Enfin, de rien, bien du coup. Et du coup, oui, les références sont quand même assez cool. Mais donc, on n'a pas parlé. On a parlé de Rodillo, on n'a pas parlé du scénariste du film, qui est donc le scénariste de tous les films de la saga, à savoir Don Mancini. Pas grand réal. Mais bourré d'idées. Mais bourré d'idées, oui. C'est lui qui a fait Cult et Curse ? Il a réalisé Seed, Cult et Curse, ouais. Oh putain, bah déjà je le remercie pour ça, parce que vraiment, de nouveau, je repasse dessus. Curse, c'est pas la sélection du jour, mais Curse of Chucky, si vous avez l'occasion, allez-y. C'est un Chucky gothique, littéralement. Si vous aimez le Chucky et si vous aimez le gothique, c'est de la balle. Vraiment, c'est super. Et donc, il a réalisé tous les Chucky, sauf le remake. Il a réalisé 3 épisodes de la série Channel Zero. Ah, c'est le Black Mirror des gens d'Urban, ça. C'est ça, en gros, c'est chaque saison traite d'une creepypasta. J'avais vu 2 épisodes et ça avait l'air pas mal. Il me semble que la première traite de Kendall Cove. Vu l'affiche, ça a l'air d'être ça. Faudrait que je me penche dessus plus facilement. Il a réalisé 2 épisodes de la série Hannibal. Excellente série. Que j'ai pas encore vu, et un épisode des Contes de la Crypte. Chef d'œuvre. Très bonne série, en effet. Et donc, au cast, on a donc Jennifer Tilly. Antifanny, donc. Elle a fait autre chose dans sa carrière ou pas ? Bound ? Ouais, à part ça. Elle en parle d'ailleurs dans Chucky 5. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas souvenir de ça. Parce que pour Bound, excellent film des sœurs Wachowski, du coup. Qui est un thriller érotique. Qui était les frères à l'époque, mais c'était. Qui est érotique de façon très frontale, hein. C'est très déstabilisant. Mais qui est un excellent film sur ça, mais c'est vrai qu'elle est dedans. Mais à part ça, elle a fait autre chose ? Bah, j'ai pas souvenir. Je sais que sa fiche IMDB est long comme le bras, mais ouais, pas... Elle a une apparition dans la foule, dans Ready Player One, des trucs comme ça. Bah non, mais si... je vais vraiment retourner sur sa fiche IMDB, mais elle a énormément de crédit. C'est ce qui m'a un peu refroidi à tout fouiller. Mais si je vais sur Jennifer Tilly, en tant qu'actrice, j'ai 129 crédits. Aïe. Non, bref, je laisse continuer. Voilà. Et donc... On a donc dans le rôle féminin du couple Catherine Hegel. Fun fact, ça devait être Jella Stiles qui devait jouer ce rôle-là, mais elle était prise sur le tournage de 10 bonnes raisons de te larguer, voyez-le, c'est génial. Il est garant de ce qu'il dit, hein. Moi je... Alors, je sens que ça va être un fil rouge de toute cette émission, j'aime les films de gonzesses, voyez-le et t'as malgré moi. Ton deuxième ou troisième film préféré, non ? Non, il... Il est sûrement dans mon top, genre 50, mais... C'est à nouveau tout à ton honneur. Hein, sort, je sais pas, mais... Bref. Catherine Hegel, donc, qui a joué dans Mortel Saint-Valentin, ou Encloc et Bébé Mode d'Emploi. Je déteste Mortel Saint-Valentin. Ça, en termes de néo-slasher, pour moi, c'est peut-être le pire, avec, genre, souviens-toi l'été dernier, 2 ou 3, tu vois, et Urban Legend 3. Oui. Urban Legend 3, d'ailleurs, qui contient un meurtre à la pisse. C'est pas une blague, hein. Un bonhomme, c'est l'inverse de Freddy 4, qui contient une résurrection à la pisse. Oui, avec la pisse de chien, là, c'est... Non, mais Urban Legend 3, faut le voir pour le croire, c'est-à-dire c'est un bonhomme qui pisse sur une barrière électrique. T'as le fantôme du coup de Bloody Mary, parce que ouais, t'as des fantômes. De Bloody Mary qui arrive, qui active l'électricité, le mec. Le film s'appelle Urban Legend Bloody Mary. Il se fait tuer par sa propre pisse. Magnifique. Non, mais c'est une belle mort, hein. Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont mettre sur les pistaches. Sur les pistaches. Les pistaches. Les pistaches. Voilà, donc ensuite on a Neil Stabile dans le rôle de l'homme du couple. Ouais. Qui a pas joué dans grand chose, qui a surtout joué les rôles de beau gosse dans Dawson, Charmed et Sunset Beach. Ok. Voilà. Vu et sans tape. Et donc, évidemment, Brad Dourif, Alien Resurrection, Halloween, Dora Zombie. D'ailleurs, il y a deux chansons de Dora Zombie qui passent dans le film. Dont Living Dead Girl, en musique d'intro. Faut imaginer, moi, donc je suis le métallo du groupe. Littéralement, le film démarre, Rob Zombie, je dis, oh, on est bien. On est bien, j'étais avec une bière, je suis installé, c'est parti, amuse-moi. Je vous avoue que niveau scène musicale, je pense que ma préférée dans le film, ça reste la transformation, entre guillemets, de Tiffany. Qui se prépare, qui transforme en gros son corps de poupée en un corps plus proche de son corps humain. C'est sur quelle musique ça ? C'est sur Call Me de Blondie. Oui ! Sur Call Me de Blondie, oui ! Incroyable ! Incroyable ! Oui. Et à la fin, une fois qu'elle s'est tout apprêtée, elle regarde Chucky en mode « Et maintenant Barbie, à toi de... » Et d'ailleurs, question bête, est-ce que tu sais comment ont été faits les effets spéciaux du film ? Comment ont été animées les poupées ? Alors, les poupées, il y a beaucoup... Parce que honnêtement, le film date de, il date de 90 et 98. Mais 98 ? D'ailleurs, les années 90, en termes de films d'horreur, bon... C'était pas ça quand même, hein. c'était un peu dur. Mm. Honnêtement, parce que j'ai été halluciné par la qualité à laquelle ça vieillit super bien. Vraiment, ouais. Plusieurs fois, je me disais, mais comment ils ont fait ça, tu vois, comment ils ont réussi à animer ça? Est-ce que c'est aussi fluide? D'ailleurs, donc on est au Brasso Bradori, il faut que le Seigneur des Anneaux, l'Exorciste 3, comme on a dit. D'ailleurs, encore une référence au film d'horreur, mais quand Chucky est assis sur le mec qui veut se faire Tiffany. Ouais. Espèce de gothique là. Cringe lui. Voilà. Elle assoit Chucky sur lui. Ouais. Et le premier moment où tu vois Chucky vivant, Chucky tombe sa tête à 180 degrés. À 180 degrés, genre l'exorciste. Voilà. Bah, justement, Brad Dourif, l'exorciste 3, tout ça. D'ailleurs, vous voyez l'exorciste 3, c'est génial. C'est le meilleur de la saga. Oui. Je me suis dit, j'avoue que j'aime bien le 4 aussi, mais parce que littéralement, Stellan Skarsgård qui joue à Dragon Ball avec le démon, ça se refuse pas quand même. Hein, le 4, c'est Dominion ou c'est. Non, c'est le. Attends, Paul Schrader, non, c'est Rennie Harlin, gros. Rennie Harlin qui fait Dragon Ball. Alors, mais attends, tu confies l'exorciste à Rennie Harlin. La prochaine étape, c'est quoi? Tu confies, genre, je sais pas. Halloween à Doug Liman, il fera péter Michael Myers, tu vois, c'est... Halloween par Michael Bay. Michael Myers avec un bazooka. Et là, t'inquiète pas que Laurie Strode, il va l'avoir. Est-ce qu'on parle quand même du fait que dans Halloween Resurrection, il y ait Busta Rhymes qui latte les couilles de Michael Myers avec du Kung Fu? J'ai juste envie de te demander, when does Evil dies? Evil dies tonight! Voilà, Evil dies tonight! Non, sur la fiancée de Chucky, ouais, ça, il y a une référence à Exorcist. Et donc, si on veut parler des effets spéciaux, parce que t'en as parlé quand même, j'ai relevé quand même quelques noms, notamment le nom de Evan Brainard, qui est le designer animatronique sur le film, qui a bossé sur les FX de Le Blob, Abyss, Darkman et Le Blob. Le Blob lequel? Celui de Chuck Russell. Ah quand même! Attends, il a fait Le Blob, Darkman... Putain la vache. Donc, Le Blob, Abyss, Darkman, Edward Main d'Argent, Terminator 2, Jurassic Park, X-Files, le film Sleepy Hollow et Pacific Rim. Ah ouais, donc le bonhomme pèse déjà, il a survécu au tournage d'Abyss, donc déjà bravo à lui. Non, mais attends, honnêtement, vraiment, c'est quand même un gros... Et du coup, qui était en charge de l'animation des animatroniques? Alors, C'est du numérique ou c'est du practical? C'est du practical. Il y a beaucoup de practical, oui. Alors après, pour le reste des animatroniques, j'ai pas exactement les noms. J'ai pas tout relevé, mais le coordinateur des effets spéciaux s'appelle Colin Silvers, qui a bossé sur le Rocky Horror, sur Superman 1, 2 et 3, et sur Classe 84. Je déteste ce film. Je sais. Alain. Après, en termes d'effets spéciaux, il s'en sort. Mais... Le chef d'équipe des effets spéciaux, c'est Daniel Godin, qui a bossé notamment sur Jumper et sur le remake de Total Recall. Jumper, c'est pas le truc avec Hayden Christensen? Si, qui peut se téléporter. Ah, c'est rude, ça. Ça fait genre 10 ans que j'ai pas vu. Moi, je l'avais vu à côté de Furtif de Rob Bowman. Je connais pas. Furtif? Bah, c'est le film qui a mis un terme à la carrière de Jessica Biel. Ce qui est quand même dommage. Jessica Biel, moi, j'aime bien. Et c'est... Peut-être un des pires blockbusters, tentative de blockbuster des années 2000. Et surtout, si t'as l'occasion de le voir, tu me diras ce que tu penses des effets numériques. C'est Ah, c'est années 2000, quoi, c'est compliqué. Hein. Et donc, on a aussi le superviseur des effets spéciaux, donc Arthur Langevin. En français ? Sûrement, ou Langevin, je sais pas. Mais Langevin ? Langevin ? Arthur Langevin ? David Langevin ? David Langevin ? Mais donc, qui a bossé sur Fréquence Interdite, Jason X, l'incroyable Hulk, Scott Pilgrim, et encore une fois, Jumper, et le remake de Total Recall, et Pacific Rim aussi. Tout rejoint à Pacific Rim, moi ça me plaît bien. Hein. Voilà, ou tout rejoint à Jumper. Non. Et à Arabesque. Tout re... Oh putain, quel enfer. T'imagines, quoi que tu fasses dans ta vie, t'es destiné à bosser dans Arabesque. Putain, y a quand même pire comme destin, mais bon, y a quand même mieux aussi. Hein. Et donc, pour info, le film a coûté 25 millions, ce qui est beaucoup. Pour un slasher, ouais. Et qui en a rapporté 50,7. Ce qui est dommage. Parce que... Bah, j'imagine qu'avec les frais marketing, ça doit pas être un si gros retour que ça. Parce que frais marketing, on peut monter à 30-35 millions. Mmh. Enfin, au total, hein, pas en plus. Ouais. Du coup, ouais, ça fait 15 millions de retour, quoi. C'est ça. On parlait de référence, mais il y a aussi l'affiche du film qui est une référence à Scream 2. Oui. Voilà. Mais qui est mieux que Scream 2. Pas mieux que Scream 2. C'est vrai. Et aussi, petite anecdote, comme ça, petite trivia. C'était le film préféré de la saga de Brad Dourif. Jusqu'à la sortie de Curse of Chucky. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que jusqu'à la sortie du fils de Chucky. Merde! Non, je veux dire la sortie de la malédiction de Chucky. Ça se tient aussi. Ça se tient surtout qu'il a pistonné sa fille pour être dedans. Alors, heureusement que t'as dit pour être dedans. Parce que si tu t'étais arrêté à pistonner sa fille, à l'aide. Non, non, mais. Non, vraiment, enfin. Il a bon goût, ce Brad. Il a bon goût, ce Brad. C'est la fiancée meilleure de la saga, l'écoutez pas. C'est vrai. Mais donc. Mais donc, pourquoi la fiancée, c'est génial? Pourquoi la fiancée, c'est génial? Mais bah, on l'a dit, c'est que c'est drôle, c'est gore, la mise en scène est quand même vraiment efficace. Bah, c'est tout ce qu'on peut attendre d'un bon slasher, en fait. Bah, enfin, d'un bon slasher à volonté comique. Parce que moi, quand je regarde Carnage, je m'attends pas à rire. Mais typiquement, oui. On prend Freddy 6, qui est quand même plus axé comédie. Je sais pas toi, mais moi, Freddy... Alors, Freddy peut me faire rire. Je suis pas entièrement fermé à son humour, même s'il m'a jamais non plus fait me taper les cuisses, tu vois. Freddy me fait rire, parfois. Oui, il peut faire rire, mais... Jamais à ce point-là, et pour le coup, Freddy 6, je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve... Enfin, je prends le point de comparaison parce qu'il me semble qu'il est aussi sorti dans cette période des années 90. Freddy 6, il... Non, Freddy 6, il est sorti beaucoup plus tôt, parce que le 7, il est sorti pour les 10 ans de la saga. Ah bah oui, ouais, bah, du coup, ouais, ça doit être fin 80, Freddy 6. Et Freddy 6, moi je le trouve absolument pas drôle. Alors qu'il se veut aussi slasher un peu comique, alors que là, toutes les vannes fonctionnent, la bande-son, alors faut aimer que Rob Zombie, faut aimer quand même... Faut aimer Blondie. Ah, faut aimer Blondie aussi, mais vraiment, c'est un pur plaisir. Alors, Jennifer, tous les acteurs... On sent qu'ils sont contents d'être là. Brad Dourif, Jennifer Tilly. Enfin, voilà, plaisir d'offrir, je dois recevoir le film. Ah, mais ça, le plaisir d'offrir, je dois recevoir, vraiment. Et surtout, le film est gore, le film est drôle, le film est bien fait. Il est pas trop long, il dure 1h30 un peu plus. Ouais, c'est ça, un peu moins d'une heure trente, même. Ouais, ça, moins d'une heure trente, il y a une BO du tonnerre. Il vieillit vraiment pas sur ses effets spéciaux. Mention vraiment, même c'est du prosthétique. Je pense que ça devait, s'il y a un peu de numérique, ça devait être dans cette sacro-sainte époque. Où il y avait beaucoup de prosthétiques, un peu de numérique, je pense à Starship Troopers, et c'est parfait. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, on est 5 ans après Jurassic Park, donc 5 ans après le film qui a mis des grosses tatanes dans les effets numériques. Bah, tu vois, on fait dans la 7ème dimension, on finit bientôt le MCU. Mmh. Bah, maintenant, quand je vois She-Hulk, qui se termine demain d'ailleurs, alors on enregistre, qui est quand même vraiment, comment dire ça poliment, dégueulasse, hein, voilà. Bah, moi, je vois She-Hulk, je me dis, putain, en 93, on faisait Jurassic Park, et quasiment 30 ans plus tard. On n'arrive pas à faire mieux, tu vois, c'est... Bah alors après, Marvel, c'est encore différent. Marvel, il y a cette espèce d'esclavagisme des... Ouais, il y a les boîtes qui ont témoigné. Des boîtes d'effets spéciaux qui, en fait, sont victimes d'une surcharge. De crunch infâme. C'est ça, mais c'est horrible. Bon, c'est pour eux, j'imagine. Ouais, ouais. Et là, pour le coup, les effets spéciaux de Bride of Chucky, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais sans mentir, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Ben oui. Et puis même, je veux dire, tous les gars, le gag de Hellraiser, bon, moi, j'étais... plié devant. Chucky, bah, Tiffany qui dit à Chucky, mais attends, t'as une capote. Enfin, ouais, c'était super drôle, c'est super généreux, c'est super gore. Chucky. Enfin, il y a une réplique que j'adore, c'est quand le mec va retrouver Jade, donc Catherine Hegel, ouais. Et qui lui dit, ouais, on me donne $1000 pour transporter ses poupées, viens, on se barre tous les deux, on laisse ton père, ton tuteur, non, c'est ton tuteur, ah, c'est tuteur, ouais, père, le tuteur, shérif, là. Ouais, là, ça va nous. Et tu sais, il fait une déclaration grave romantique, et t'as Chucky qui fait je leur donne 6 mois, moi si elle prend du poids. Non, ça, et même, surtout ce qui est bien, ce qui est malin, c'est que dans les 3 premiers, on suit donc Andy, Andy Barclay, ouais. Ouais, le rival de Chucky. Oui. Parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, Chucky, dans le 3 premiers en tout cas, ne pouvait prendre le corps que du premier mec à qui il avait dit qu'il était réellement. C'est ça. Donc on dit, et bon, dans le 1 ça allait, dans le 2 ça allait vraiment, dans le 3, bon, ça commence à être un peu poussif. Voilà, tu sais, il allait poursuivre Andy jusqu'à 80 ans, tu vois, le pauvre. C'est ça, bah, pour le coup, c'est parti pour ça. Hein. Bah, sur le coup, c'est ce que Andy fait dans la série après, et même à partir de ouais, la mais oui. Chucky. Mais et là, en fait, c'est. Ça prend un autre parti, ça fait découvrir autre chose, et c'était vraiment la meilleure chose à faire, ça aère. Moi, je t'avoue que j'ai une scène qui aussi m'a beaucoup fait rire, c'est lorsque Chucky est dans la tombe, tout prisonnier en bas, et tu le vois en train de s'agiter, genre, comme ça, comme un bébé, et avec la voix de Brad Dourif. Mais vraiment, tu l'as vu en VF ou en VO? Tu l'as déjà vu en VF? Je l'ai vu en québécois. Et elle est pas super, parce que j'avoue que la VO de Brad Dourif me fait vraiment rire aux larmes, je sais pas. La version québécoise est vraiment trop drôle pour le coup. Ok, parce que vraiment, la voix de Brad Dourif, quoi, la voix de Brad Dourif, elle est exceptionnelle. C'est. Enfin. Pour moi, c'est ça qui donne tout son charme au personnage. Ce serait n'importe qui d'autre, ça marcherait pas, mais là, c'est absolument parfait. Et on sent aussi que j'aime aussi une scène qui m'a beaucoup fait aussi avec le cimetière. C'est lorsque le héros prend Jennifer Tilly par les cheveux, enfin Tiffany par les cheveux, et la balade, et t'entends juste aïe. C'est tout con. Mais honnêtement, ce film est généreux, ce film vous veut du bien. C'est-à-dire, voyez-le, vraiment, c'est. Faut pas avoir peur des sagas longues, et vraiment, Chucky, c'est ultra intéressant de. Même s'il y a des épisodes en dessous, à nouveau le 3 ou le fils de Chucky, au global vous en sortirez toujours quelque chose. Même le 3, non allez, bon, même le fils de Chucky, il y a une ou deux scènes rigolotes. Oui, notamment la mort de Redman. Oui, bon, ça faut c'est à retenir. Redman, il faudrait faire un compte un jour sur sa filmo, je pense que ça doit être un peu triste à voir quand même. J'aime Ohio. Oui, mais c'est toi. Ça, donc bref, vraiment, la fiancée de Chucky, c'est le meilleur. Et rapidement. Si jamais je te dis genre tes trois Chucky préférés, sans compter la série, ce serait lesquels? Sans compter la série, bah ce serait le 4, le 1, et alors, j'allais dire le 2, mais parce que j'ai vu qu'une seule fois le 6 et le 7, et qu'il faudrait que je le revoie, parce que je ne les ai pas revus, le 7 je l'ai vu quand il est sorti en Blu-ray, donc en 2017, ça fait 5 ans déjà, ouais. Vraiment, et le 6 c'était encore avant, donc il faudrait que je me remate ces deux-là. Parce que moi, pour le coup, si je garde mes trois premiers, ce serait je pense le 4, le 2 comme toi. Et il y a moyen que ce soit Cult. Cult, je le revois, mais je l'avais vraiment trouvé très malin, très très bien vu sur continuer le mythe. Ouais. Et la série de Chucky, vraiment, allez-y. C'est la série, oui, la série. C'est vraiment super. Et surtout, c'est une bonne série slasher, on se fait pas chier. Ouais, bref, t'as fini. On peut passer à la suite. Et donc, on aborde la sombre époque du slasher, donc les années 2000. Alors, faut savoir que le slasher est vite arrivé à bout de souffle. À partir de 87-88, c'était fini. Donc. Démarré en 78 et 10-15 ans plus tard, c'était fini, mais vraiment ça c'était. Bah, en 88, on avait Chucky 1 déjà. Oui, mais c'est-à-dire que juste après ça, on a quand même Halloween 5, Halloween 6, Freddy 6, Jason 8, 9. Hein. C'est des suites de suites de suites, ça commence vraiment à s'essouffler. Après, en 94, on a quand même Freddy 7. Oui, on a toujours. Oui, mais Freddy 7, c'est pas vraiment un slasher. Ah, quand même. Il y a des éléments, mais moi, pour moi, ce serait plus un film d'horreur, plus méta, que vraiment un slasher. En tout cas, le body count est super faible dans Freddy 7. J'aime beaucoup hein, Freddy 7, mais un peu faiblard. Après, c'est vraiment Scream en 96 qui va redynamiser la formule du slasher. Alors, Roman et moi j'aime pour des raisons Scream. Qui m'échappent encore. Ouais, mais, bah, je pense que c'est le côté conscient et justement le côté des jeunes qui ont les références que des personnages n'avaient pas avant. Tu vois, c'est tout simple, mais ça n'avait jamais été fait avant. Ça, d'accord, c'est vrai. Qui va vraiment relancer le slasher. Et alors, faut savoir que Scream, ça aurait été encore plus vif, c'est-à-dire que Scream 96. Souviens-toi l'été dernier, 97, c'était fini. Et vraiment, donc Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, ça aura chuté très vite. Ensuite, il y a à nouveau ce que j'appelle les rejetons dégénérés avec des slashers ultra violents. Je pense à Gutter Balls, je pense à Hatchet, je pense à Let to Rest. Sino Evil aussi, tu vois, genre des trucs comme ça. Ouais, mais c'est des trucs qui sont plus proches de 2010 que 96. Ouais, mais c'est ça, c'est que la vague suivante de slashers, ça aurait été des trucs ultra gore, ouais. Avec notamment des trucs internationaux, on en parlera avec celui dont on parlera juste après, Wolf Creek aussi, dont on a parlé dans la 7ème dimension. Le 2 est un slasher. J'ai pas vu le 2. Le 1 pas vraiment, mais le 2 est le un slasher. Le 1 c'est survival. Ouais, le 1 c'est plus survival, Psycho Killer, même si j'aime beaucoup le 1 aussi, je le trouve très malsain. J'ai pas vu le 2, mais le 1 est cool. Ouais. Le 1 est très malsain. La scène de viol, elle fait bizarre quand même. Hein. Enfin, une tentative de viol, elle fait bizarre. Je t'avoue que je me rappelle pas du film en détail. Donc Le méchant. Le méchant qui est quand même bien malsain dans Wolf Creek. Et donc on a eu ça, et après plus récemment en termes de slasher, on a plus eu pas des parodies, mais des reprises un peu comiques, Happy Birthday, Freaky et trucs comme ça. Oui, globalement la filmo de Christopher Landon. J'aime beaucoup Christopher Landon pour. Paranormal Activity, The Marked Ones. The Marked Ones déjà. Manuel de survie à l'apocalypse zombie. Alors ça, je te rejoins pas. Ça m'échappe. Mais bref, et au milieu des années 2000, donc faut savoir que les années 2000, vraiment, c'était dur. Je pense qu'on peut être d'accord que les années 2000 pour le slasher, c'est la période la moins belle. Hein. Vraiment, c'est. Oui. C'est vraiment pauvre, et mais il y a quelques trucs qui surnagent. Des stations finales notamment. Ouais, des stations finales, moi j'aime beaucoup, surtout le 3. Le 3 est très très cool. Et notamment ce film, Cherry Falls. Alors il y a aussi Hellbent, dont on parlera sûrement dans un autre épisode. Mais Cherry Falls. Alors Cherry Falls, je l'avais découvert pas loin de Souviens-toi des derniers, Urban Legend. C'est-à-dire que c'est un néo-slasher, tout ce qu'il y a de plus classique finalement. Et c'est un film qui va raconter l'histoire d'un tueur qui va viser les vierges de sa ville, donc de la ville de Cherry Falls. Jeune fille comme jeune homme, tant qu'ils sont vierges, il les massacre. Et les jeunes vont se décider à organiser une partouze géante. Pour éviter de crever, oui. Pour éviter de crever. Alors, passé ce pitch rigolo, ce qui est intéressant au film, c'est surtout son histoire. Alors, faut savoir que donc, le film est sorti en 2000, donc 4 ans après Scream. Il est réalisé par un certain Geoffrey Wright. Moi, je le connaissais pas du tout, mais il a fait un truc qui s'appelle Romper Stomper. Dans les années 90, avec Russell Crowe, qui a visiblement quand même une grosse fanbase, qui a l'air assez culte. Je ne connais pas. Pourquoi pas. Le film est écrit par Ken Seldon, qui n'a fait que ça. À la photo, on a quand même Anthony Richmond, Candyman. Ok. Ne vous retournez pas. Ok. L'homme qui venait d'ailleurs. Pas vu. Alvin et les Chipmunks. Wouh ! Ah, tu vois, c'est... tu dis des trucs et bam, il a chuté. Au casting, on a Brittany Murphy, qu'on avait vu dans Girl Interrupted, dans Sin City, dans 8 Mile aussi. On a également Michael Biehn, donc Terminator, dont tu parlais. Candy Clark, qu'on a vu pour les fans de Twin Peaks. Maintenant, pour l'histoire. Alors, faut savoir qu'avant toute chose, le réalisateur voulait faire une satire, et le scénariste voulait faire une satire, et le réel voulait faire un truc plus sérieux. Faut savoir que ça se ressent dans le film, j'en parlerai juste après, je crois qu'il y a quelques scènes où ça se ressent. Mais maintenant, on va parler... Comment le film est sorti? Le film à la base était très très gore. Vraiment, il y a certaines scènes qu'on peut trouver sur le net, certaines images qui sont vraiment vraiment méchantes. Et la scène de fin devait être une vraie partouze en fait. Ça a été envisagé d'abord comme juste genre plein de draps blancs, tout le monde sur un drap blanc qu'on verrait bouger comme ça. Et ensuite le réalisateur a dit non, fuck that, tout le monde à poil. Maintenant, okay. Devine combien de fois le film est passé devant le comité de censure. Je tente un petit 5. Exactement. Le film est passé 5 fois devant le comité de censure pour recevoir un NC-17. Le réal parle d'abord. Ah ouais, à la base il avait le X pour les ados à poil. À l'époque on pouvait pas le faire. Je pense qu'aujourd'hui ça va. Euphoria. Mais voilà, ça. Il a été massacré. Le réalisateur parle de quand même plus de 15 minutes coupées. Pas mal. Faut savoir que juste après, le distributeur il a fait non, fuck that aussi. Il s'est retiré. Le film est d'abord passé à la télé dans une version ultra cut. C'est-à-dire que là, dans la version qu'on a, le film dure à peu près 1h30. Attends, il est en train de me parler du parcours de Massacre à l'attention de Grande-Bretagne. C'est... Ah, mais c'est ça. Attends, accroche-toi. Le film dure 1h30 dans la version qu'on a. À la télé, il durait 1h12. Donc voilà. Donc sachant que je crois qu'ils ont dû cropper plein de scènes à la fin ou des trucs comme ça. Ouais. Donc vraiment, le film s'est fait massacrer pour finalement sortir directement en vidéo après. On peut le voir comme le téléfilm le plus cher jamais sorti. C'est un téléfilm à 14 millions de dollars. Il n'y a pas eu de téléfilm plus cher que ça? Non. Tu as vu le téléfilm le plus cher du monde. Techniquement, tout ce qui sort sur Netflix est un téléfilm. Tu triches. Ça, alors faut savoir que la version uncut a jamais été sortie. Vraiment, il s'est fait massacrer. C'est-à-dire que la scène d'intro, c'est assez technique que je déteste, qui est, tu sais, genre, une image toutes les 2 secondes, tu sais, un espèce d'ultra ralenti que je trouve horrible. Donc la scène d'intro, on voit qu'elle s'est fait raboter. La fille qui se fait accrocher au plafond à un moment, tu vois juste une image flash, ça aussi tu vois que ça s'est fait raboter. Le meurtre du principal, on le voit pas, dans la version uncut, on le voyait, enfin uncut, dont le réalisateur nous parle, il y a des interviews où le réalisateur va en parler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes de nu ont été cut, quasiment toute la fin en fait a été cut. Le meurtre du père, tu le vois rapidement, mais il s'est fait dégager aussi. Le coup de hache dans la tête du flic, tu le vois très vaguement, au cut. La mort du tueur, tu voyais le plan où il s'empale, tu le vois pas. Bref, c'est un film malheureux, c'est un film triste. Mais en fait, la raison pour laquelle je tenais à en parler, c'est au-delà de l'affection que j'ai pour le film, c'est-à-dire que le gars qui a écrit le film s'est quand même dit « Eh, banco, partout géante ». Alors après... Je l'entends encore. Non mais vous attendez vraiment pas à un déferlement de folie, c'est ultra soft, hein. C'est du porno M6, c'est-à-dire vraiment tout le monde est habillé, il y a quelques plans nichons, mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et alors, autant Cherry Falls, si on le prend en tant que tel, je le trouve pas incroyable. Mais si on prend en compte toute l'histoire derrière, je peux pas empêcher d'être vachement attaché à ce film, parce que je me dis, il y a plein de films de cette époque qui ont dû être massacrés comme ça. Et là, bah, on a affaire, je pense, à un cas assez triste, je pense, de slasher qui s'est fait déboîter. Je sais pas ce que toi t'en as pensé du coup de Cherry Falls. Alors, je connaissais pas l'histoire quand je l'ai vu, là je la découvre quand tu me la racontes. Et ça se voit dans le film, je trouve que ça a été cut. Hein. Tu vois des scènes de meurtre, tu vois qu'il manque des plans. Hein. Ouais, mais du coup, ce que je pense du film en tant que tel, c'est sympathique. Je trouve le film sympathique. C'est attachant, on va dire. Je trouve il est pas méchant. Tu sais, c'est pas Urban Legend. Urban Legend, déjà, t'as Jared Leto, donc c'est quand même compliqué. Là, je trouve le film a une ambiance que j'aime bien, moi. Oui, non, le film est quand même sympathique. Le film fait partie du haut du panier de slasher. La concurrence est pas rude. Hein. Mais voilà. Ouh, Urban Legend 2. mais après, c'est un film dont le pitch est quand même assez osé de base. Hein. Et si on faisait baiser des ados? Non, mais je veux dire, au-delà du tueur de vierge, on a quand même un film où tout le motif du tueur, c'est que sa mère s'est faite violer par 4 mecs. Ouais, et cette scène-là aussi a été cut. Apparemment, elle était beaucoup plus crade, mais ça, pour le coup, je sais pas si j'aurais été content de l'avoir. Ouais, moi non plus. J'aurais pas aimé l'avoir. Parce que déjà, en version, la version cut qu'on a là, elle est quand même bien malaisante. Hein. C'est... Alors, on spoil comme des bâtards. Hein. C'est... Pour le film, là, pour le coup, si, c'est... Mais oui, c'est quand même assez... Et pour l'époque, c'est quand même un petit pas en avant de faire ça en 2000. Et j'avoue, j'aime beaucoup aussi, du coup, ça me fait penser le look du tueur. Oui. Qui a l'espèce de perruque, là. C'est un peu, souviens-toi, l'été dernier, sans son chapeau à la con qui l'empêche de voir avec une perruque, finalement. C'est pas un chapeau, c'est la capuche de son ciré, je crois qu'il a... Oui, mais du coup, il voit rien. Voilà, mais sur Cherry Falls, on parle d'Urban Legend avec son espèce de doudoune. Je propose qu'on parle pas d'Urban Legend, ça m'énerve. Mais après, sur Cherry Falls, quelque chose qu'il y a à prendre en compte aussi, je pense, c'est qu'en plus des scènes cut, savoir que le film, c'est pour moi un des premiers néo-slasher à vraiment se dire je fais un truc de bourrin. Et je parlais également du côté dichotomie, vraiment entre l'intention du réel, l'intention du scénariste. Le dichotomie Plaza. Déjà, ça j'aime beaucoup. Vas-y. Mais j'ai noté quelques scènes comme ça. C'est par exemple, à un moment, t'as un personnage qui dit ouais, le tueur tue des vierges. Et en VO, il fait It's not a virgin killer, it's a virgin killer. C'est pas un tueur vierge, c'est un tueur de vierges. Ah, hein. Oui. Ce qui est porté comme une blague, mais qui fonctionne pas du coup. T'as un gamin au poste de police aussi. Alors, je sais pas si tu te rappelles de ça. Il bugle qu'il est le tueur. Et il chope un mec. Et tu sais, tu vois ça, tu fais mais pourquoi? Il y a pas mal de scènes comme ça où tu te dis c'est censé être drôle, mais ça l'est pas. Vraiment, en fait, c'est un film qui... J'avoue, je l'ai sélectionné purement sur mes souvenirs en me disant « Je me rappelle d'un truc intéressant, maintenant, voilà. » Mais c'est un film que j'ai trouvé plus intéressant pour son histoire et pour le fait de voir que le film s'est fait... Vraiment, il s'est charcuté. C'est une boucherie, le film. Enfin, là, tu as des plans, tu dis « Mais il manque des trucs. » Et encore, ça va, on a encore un peu de gore, quand même. Oui. Le film n'est pas non plus... C'est pas Urban Legend, quoi. Mais ouais, je déteste Urban Legend. Et tu sais, pourtant, j'ai l'un en DVD. Hein, c'est... J'ai les trois en DVD. Honte à toi. Je crois que j'ai le 2 aussi en DVD. Bah, on parlait de Brad Dourif, mais il est dans la scène d'intro. Du Urban Legend ? Oui. C'est lui qui dit y'a un mec sur le siège arrière. Ah oui, c'est lui dans. Oh putain, quoique dans cette scène d'intro, pas mal. Oui, la scène d'intro est cool. Et et vraiment, Cherry Falls, voilà, j'avoue, c'est un peu comme Silent Night, Bloody Night, je vais pas forcément dire beaucoup de choses, mais juste pour moi, ça illustre vraiment à quel point bah, la censure d'un film va te le foutre en l'air. Parce que là, au-delà des scènes de gore, bah, toute la scène de fin, en fait. C'est-à-dire qu'on te vend un truc comme ça, et moi je me disais, what the fuck. Et en fait, non. Et pour le coup, je veux dire, message con, mais si les gens ne veulent pas voir le film, ne le voyez pas. Ne le flinguez pas pour les autres. Tu vois, je veux dire. Oui, c'est ça. Parce que le nombre de slashers comme ça qui se sont fait défoncer, enfin... C'est Oui, censurer un film, c'est pas la solution. C'est juste que le public soit averti. C'est ça, ou interdire le film, d'accord, mais le censurer, le croper, le couper comme ça... Bah après, surtout, c'était... Si vous pensez, les années 2000, c'était aussi les années de promouvoir. Ah bah oui. Ces sacro-saintes années de merde avec, yes. Tu sais, genre Martyr qui se fait interdire en moins de 10... Non, moins de 16 avec avertissement. Il est pas moins de 18, Martyr. Peut-être. Mais on a aussi eu, tu sais, genre Quand l'embryon part braconner, des trucs comme ça. Enfin, bref, voilà, c'est Cherry Falls, très attachant. Je vous invite vraiment à le voir et à découvrir son histoire. Vraiment, le réal a parlé de ce qui manque dans le film. Et... on voit vraiment bah, que le film c'est... Moins 13 avec un rétrécissement, c'est ça. Ouais, voilà, c'est pas... Parce que moins 18, c'est genre... si je dis pas de bêtises, on n'a pas de classement spécial pour le porno en France. On a directement le moins 18. Et, non, on a le X. On a le X en France. On a un classement X. Parce que les Américains l'ont. Mais nous, il me semble qu'on a moins de 16, moins de 16 avertissements, moins de 18. Ah, il y a deux chances. Mais le moins 18, c'est pas exclusif au porno. Regarde, Saw 3 était moins de 18 quand il est sorti. Ouais, mais Saw 3, c'est à cause de Promouvoir, ça aussi. Qui s'est fait renvoyer. Saw 3, c'est celui qui a une méga direct. Qui en a 4 ou 5 director's cut. Bah, il y a la version qui existe en Blu-ray en France, c'est la extrême, extrême director's cut. Ouais, extrême cut, quelque chose comme ça. Donc Saw 3, c'est pas celui dont on avait le plus envie de voir des morceaux. Hein. C'est pas le pire. C'est pas le pire, mais c'est déjà le film qui marque la mort de John Kramer. Pour moi, les 3 premiers. Ça se tient. Oui. À partir du 4, c'est mort. On fera pas d'épisode sur moi, parce que là, on choisir 6 au total, ça veut dire revoir quasiment toute la saga. Hein. C'est ça. Il y a le 10 qui est annoncé, là, en plus. Oh, ah ouais, ils ont annoncé le 10 ? Ouais. Ah, oh, putain. C'est... John Swan, on a parlé, en plus, sur son Insta. Jigsaw, c'était... Bah, Jigsaw, j'avoue que je trouvais ça pas... Je crois que je trouvais ça très malhonnête dans son twist, surtout. Mmh. Spiral. C'était nul. Spiral, oui. C'est une merde. Et, putain, Saudi... Mais, surtout, Spiral, produit et rôle principal de Chris Rock. Surtout, faut pas oublier. Pour ça, il mérite la gifle. Mais On vous laisse à méditer, hein, mais surtout, faut réfléchir. C'est-à-dire que ça veut dire que depuis le 3, 4, 5, 6, 7, tout était planifié par John Kramer. Tu vois, il est quand même vachement malin, ce John. Hein, c'est... Waouh. Non, mais ouais, voilà. Mais c'est pour ça, c'est vraiment la censure des années 2000, ça a été assez triste. Et Cherry Falls, c'est vraiment, pour moi, un de ceux qui représente le plus ça. Un de ceux où on se dit, ah putain, c'est... Le film est quand même classé moins de 16 en France. Sur mon DVD, il est classé moins de 16. Mais c'est, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi, et je peux pas empêcher d'espérer un jour une version uncut, peut-être, de Cherry Falls. On sait pas, j'avoue que je pense qu'elle verra jamais le jour. Alors Cherry Falls est interdit au moins de 18 aux US et 16 en France. Voilà ça, mais après le réalisateur a certifié que toutes les scènes de meurtre et autres existaient, mais qu'elles avaient juste été croppées du film. Bon. On passe au dernier ? On passe à Danny qui, lui, pour le coup, n'a ah, lui, pas c'est l'opposé. De censure. Alors, on va s'aventurer dans le dégueulasse. On va s'aventurer dans le sanglant, on va s'aventurer dans la tripaille. Dans le cracra. Dans le cracra, exactement. Alors, Dream Home, réalisé en 2010 par Pang Ho-Chung. Alors, Pang Ho-Chung, c'est un des réals... C'est Sonic, le Pang Ho-Chung. Ça, tu vois, ça, je pourrais le couper. Non, c'est Sonic le Pangolin. Un des réels plus jeunes de cette nouvelle vague à Hong Kong, qui a réalisé notamment le film Exodus, qui me rend très très curieux, qui a réalisé la trilogie Love in a Puff, Love in a Cuff et Love in a Buff, je sais pas quoi. Mais en gros, qui. Chez la Buff. Très belle référence. C'est genre M. Not Famous Anymore, tu vois, ça compagnie. Non, qui sont des trilogies de films qui visiblement présentent la fumette comme quelque chose de positif. Ce qui m'a très curieux, hein, vraiment. Et il a notamment réalisé la comédie Men Suddenly in Black. Je sais pas si tu connais ça. Non. C'est une espèce de mission impossible du cul où, genre, t'as des mecs qui veulent Ken pendant que leurs nanas sont en vacances et qui arrêtent pas de trouver des techniques pour se voir. Et Ken, c'est super drôle, vraiment. Alors, faut aimer l'humour cantonais, mais c'est super drôle. Alors, pour résumer le film rapidement, c'est l'histoire. Alors, j'ai plus le nom de l'héros. Est-ce que tu ris avec l'humour cantonais ? Ah oui. Non. Arrête cette blague. C'est l'histoire de l'héroïne donc, qui est jouée par Josie Ho. J'avoue que j'ai plus le nom de son personnage, du coup je l'appellerai juste Josie pendant tout le film. Et en fait, donc le personnage de Josie Ho rêve de posséder un appartement. Et pour, l'appartement est trop cher, et va se dire que pour baisser les prix, bah, il a pas d'autre technique que de buter de façon assez sauvage tous les habitants de cet appartement. C'est quel rappeur qui dit je fais baisser le prix de l'immobilier Je sais pas, c'est toi qui connais ce domaine, moi. Et alors en gros, pour ce qui est de l'écriture, c'est écrit par le réal aidé d'un duo qui s'appelle Derek Tsang et Wan Chin Man, qui ont aussi écrit ensemble Isabella de Pang Ho-Chung. Je suis assez curieux de ce film. À la photo, on a quand même Nelson Yu Lee Kwai. Désolé si j'écorche les noms. Alors c'est Booba dans Bulbi qui dit si je traîne en bas chez toi, je peux jeter le prix de l'immobilier. Booba, tu parles de ce bonhomme là qui aujourd'hui est plus un entrepreneur qu'un rappeur. Oui. Oui. Donc à la mais photo. Qui est donc... le premier rappeur solo en plein Stade de France. C'est vrai. Comme. Gims. C'est pas un rappeur. Allez Nelson Yu Lee Kwai à la photo, qui donc est le chef-op régulier de Jiasongke, donc qui a quand même éclairé A Touch of Sin, Still Life, Platform. Bref, oui. Pas mal de grands films. Mais à la lumière, on a Wong Chiming, qui est un collaborateur habituel de Wong Kar-wai. Ce qui, moi, me réjouit au plus haut point. Au casting, on a donc Josie Ho, qui est également productrice, qui avait aussi joué dans Contagion, Exile de Johnny To, Dead or Alive 3 de Takashi Miike, Derek Tsang, qui a joué dans The Eye 2. Des frères Pang, ouais. Il est dur. Hein. Série 2. En vrai. Le 1, j'aime bien. Le 1, j'aime bien. J'aime bien le 1. En vrai, le 2, ça passe. J'ai pas encore vu le 3. Et j'ai pas encore le 3, le 3, il est irregardable. C'est une comédie d'horreur, le 3. Le 3, c'est horrible. Alors, si tu regardes entre tes jambes, t'arrives à voir les fantômes, c'est un truc à la con. Ah, faut bien plisser les yeux quand même. Hein. Après, faut savoir que sur le tournage, Josio, elle a été active. Vraiment très active, en fait elle est productrice, elle a pas mal de billes dans le film, et elle a vraiment poussé pour que le film soit extrêmement gore. Et je crois qu'elle a bien réussi son job. Alors, au FX, on a Andrew Lynn, qui est un acteur, il a fait que ça en FX, ce que j'ai trouvé assez étonnant quand même. Parce que le FX quand même très cool. Ouais, faut savoir que le film a eu énormément de galères avec le nom de la compagnie de l'héroïne, avec le nom de son entreprise. Parce que si jamais c'était un nom d'une entreprise qui existait, à Hong Kong, ça aurait été la sauce. Et pour la petite anecdote, j'aime bien ce genre d'anecdote un peu vislarde, faut savoir que lors de sa première mondiale, deux membres du public ont vomi et une personne s'est évanouie. Yes! J'adore ce genre d'anecdote. À savoir aussi que le film marque le retour d'un genre qu'on appelle le catégorie 3. Alors, ouais. On fera un épisode sur le catégorie 3 et je te préviens, je prends Ebola Syndrome. Un des plus grands films de tous les temps. Ne dis rien. Cracher sur les flics pour leur refiler Ebola, c'est signe d'un grand film. Et en fait, le catégorie... se branler dans la bouffe d'un resto pour... J'adore pour... Ah, j'adore. Et en fait, pour... Je suis vraiment pas fan du film. Ah, t'as vu ou pas les trucs genre Untold Story? Ou Daughter of Darkness? Non, j'ai vu quasiment aucun catégorie 3. En fait. Ah, c'est de la bonne saloperie. Hein. Faut y aller, mais... Et en fait, après, c'est du mauvais goût. Hein. C'est du mauvais goût à l'appel. Ouais. Le catégorie 3, qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire très simple, c'est un système de classification Hong Kong qui a été classé avec catégorie 1, catégorie 2A, 2B... Catégorie 3. En théorie, le catégorie 3, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est la théorie. Il y avait évidemment parfois quelques coupes. Mais c'était souvent des films extrêmement immoraux, extrêmement violents ou extrêmement sexuels ou qui avaient des points de vue difficilement défendables à Hong Kong. Je pense notamment à Young and Dangerous, une saga de films qui s'appelle les Young and Dangerous, si j'arrive, qui va te présenter une image positive des triades. Ou par exemple, Happy Together de Wong Kar-wai, qui est une histoire d'amour entre deux hommes, qui a été catégorie 3, parce que représentation de l'homosexualité. Mmh. Et alors le catégorie 3, c'est éteint, on va dire, il y a une âge d'or réel dans les années 90, c'est éteint très rapidement lorsque la Hong Kong, la rétrocession a été lancée. Ouais. Et là, il renaît peu à peu, faut savoir que les Love in a Puff de Pang Go-chung, ça a été aussi des catégories 3, parce que représentation positive de la drogue. Là, c'est un catégorie 3, maintenant en catégorie 3, pourquoi? Bah parce que c'est super vénère. Supra vénère. Oh, alors, pour le coup, pourquoi est-ce que j'adore ce film? Et vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs slashers récents qu'on ait eu. Parce que, en fait, c'est un film, déjà aussi, comme pour House of Sorority Hero, c'est un film qui a un scénario. C'est-à-dire, c'est pas un film bête, c'est pas un film qui va... C'est pas un film prétexte, c'est-à-dire que c'est un film qui va s'appuyer sur quelque chose de réel, à savoir la crise de l'immobilier à Hong Kong avec des prix complètement exorbitants. Mmh. Pour ensuite ancrer son récit dans une réalité tangible et proposer un film assez éprouvant pour les nerfs, quand même. Oui, on peut le dire. Après, sur le scénario, on a quand même quelque chose d'assez intelligent. Comme le catégorie 3, c'est un mélange, globalement, de violence, de sexe et de politique. Finalement, un cocktail gagnant, on peut dire. Et après, politique, il faut jamais s'attendre à quelque chose d'extrêmement frontal, à rares exceptions près. Mais là, ça y va. Là, ça charcute, ça charcle. Ça y va, vraiment. Après... Josio dans le film, elle est folle. Je trouve sa performance vraiment, vraiment super. Elle est assez inquiétante quand même. Tu sais, quand elle regarde la caméra, t'as envie de faire « Ne regarde pas comme ça, ne regarde pas comme ça. » Maintenant, oui, bah oui, voilà, on a une image sous les yeux, c'est terrifiant. Maintenant, la réalisation, je la trouve superbe. Vraiment, pour moi, c'est le film le mieux réalisé qu'on ait eu. Avec peut-être House of Sorority Hero, mais celui-là, je le trouve plus abouti encore. La réalisation des meurtres, elle est vraiment folle. L'écriture, j'en ai parlé, elle est vraiment super. Il y a eu vraiment une ambiance crade qui se dégage du film. Oui. Tu sais, tu le finis, t'as envie de prendre une douche un peu quand même. C'est vraiment pas très propre. Faut savoir que j'ai pas revu le film pour le podcast. J'ai par contre revu les scènes de meurtre. Quel plaisir. Le film commence déjà sur un meurtre horrisant. Qu'est-ce que t'appelles un résident? Mais tu sais, les espèces de trucs pour... Oui, là, ça s'appelle un résident. Ouais, juste la scène d'intro pose le contexte. Voilà. Vous êtes là pour voir du sale, hein, du dégueulasse, de l'immoral, globalement. Il y a un meurtre d'une femme enceinte. Oh, putain, il est pas très gore. Il est pas très gore, mais rien que le fait qu'il est vraiment dégueulasse. Le fait que quand la meuf tombe à terre et qu'il y ait du sang qui... Ouais, bah une fausse couche, quoi. Et après, elle se fait tuer à l'aspirateur. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Moi, j'avoue que si le meurtre de quelqu'un qui se fait ouvrir le ventre, il y a ses tripes qui tombent par terre. Oui. C'est vraiment répugnant. Mais c'est un pur produit d'exploit qui va en même temps savoir être suffisamment intelligent pour dire des choses, finalement. Ouais. Mais tout en... N'oublions pas, on en parlera juste après, je pense, mais de faire un slasher, en fait. C'est-à-dire que il est pas con, mais à côté, il fait un vrai slasher. On peut même dire que c'est un film de psycho killer. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'on est du point de vue de... Du tueur, enfin de la tueuse. Ouais, de la tueuse, mais qui a quand même un fond, que j'ai quand même trouvé même assez touchant. Par moi, j'avoue que genre, la scène d'intro qui nous la présente, tu la vois juste enchaîner ses jobs sans avoir de chance. Vraiment, c'est un film que j'aime énormément. Et toi, Roman, ton avis sur Dream Home? Il me semble que t'es un petit peu moins fan que moi, quand même. Alors, Dream Home, c'est un film que j'ai vu une fois et demie, du coup. mais qui m'avait laissé... pas indifférent, mais relativement... Tiède. Voilà, c'est un film dont j'aime beaucoup la mise en scène des meurtres. Pour un slasher, c'est... C'est que c'est du très très très très très haut de gamme, hein, vraiment. C'est vrai. Pour moi, c'est le mieux mis en scène de ce qu'on a, de la sélection. Avec House of Sorority Row, mais... Bride of Chucky. Ouais, mais je trouve que Bride of Chucky va dans l'efficacité, là où Dream Home arrive à construire des choses, arrive à avoir vraiment des cadres assez beaux et même des idées assez barges. Je pense à la scène où elle vient d'apprendre qu'elle ne peut pas avoir l'appart. Et là, tu la vois juste déambuler, qui devient à moitié folle quasiment. Et après, elle débarque dans l'appart avec les junkies là. Ouais. Et là, ça va être globalement très carnal. La scène où là, il y a une fille sous le lit et elle est au-dessus. Il y a une science du montage de cette scène que j'ai trouvé. Mais surtout que si je me trompe pas, les meurtres sont alternés. Tu reviens à quelques scènes de meurtre. Oui, en fait, le film suit sur deux timelines, c'est-à-dire que on la voit elle évoluer. Tuer des gens, et à nouveau, on repasse encore une couche. Hein. Mais vraiment, si vous voulez voir un slasher bourrin, allez-y. Hein, celui-là, c'est très méchant. Faites notamment attention au design sonore, qui est vraiment dégueulasse. Mais en même temps, on revient aussi dans son passé pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut cet appartement en particulier, pourquoi est-ce que c'est lui qu'elle veut et pas un autre. Et non, vraiment, c'est un film qui est construit comme ça, en fait, en aller-retour. Ouais. Et à nouveau, pour le coup, même je parlais du montage, mais le montage des scènes de meurtre, il est complètement maboule, quoi. Oui. C'est super précis, on voit que c'est un réalisateur qui a de la bouteille, qui est encore jeune, et j'avoue que je surveille un peu, il a pas l'air d'avoir fait autre chose de ce style-là, mais si jamais un jour il annonce un film d'horreur de ce genre-là, mais je fonce dessus, quoi. C'est vraiment sans aucune hésitation. Et c'est surtout un film qui sait cuter au bon moment, et qui sait surtout ne pas cuter au bon moment. Tu penses à nouveau à la scène de la femme enceinte? Je pense à quasiment tous les meurtres en fait, qui sont assez graphiques, mine de rien. La scène des meurtres des flics aussi. Qui est super drôle aussi. C'est, un faux mouvement peut faire beaucoup de dégâts. Oui. Voilà, mais ouais, non, c'est un film... Aussi la nana qui s'est mangé la planche dans la gueule. Ah, c'est celle qui était sous le lit. Ouais, qui s'est mangé la planche dans la gueule et qui après va se déplacer avec, genre... Bah c'est là où il y a les flics, justement. Ouais, là où il y a les flics, ouais. Voilà, et oui, c'est un film qui est assez viscéral et très frontal dans sa façon de montrer les meurtres. Pas qu'un peu, ouais. Pas qu'un peu, c'est ça, mais... Ouais, c'est... Et qui est pas con. Non, pas con. Non. C'est... Et pour le coup, c'est pas un truc We Live in a Society ou autre. Genre, je sais pas, t'as toujours pas vu Sans Filtre, toi? Toujours pas, mais j'ai pas envie de le voir. Je t'avoue que moi, depuis Sans Filtre, j'ai beaucoup de mal avec les films We Live in a Society. Genre, Into the Wild, tu vois, c'est... Pas vu. Bah, Into the Wild, c'est typiquement le film, on connaît tous ce genre de mec qui va dans un pays assez pauvre et qui va faire... Tu vois là-bas, bah ils ont rien, bah ils ont rien du tout, ça nous fait réfléchir. Mais Into the Wild, c'est ça en film. Mais le mec il dit ça, il reste à l'hôtel. Exactement, Into the Wild, c'est ça en film. Et en fait, Dream Home, j'avoue que quand le film démarre, je me suis un peu dit, oh merde. Et en fait, c'est juste un film qui va poser un constat et qui va uniquement utiliser le principe de la crise économique. Le film est sorti en 2010, mais il se passe en 2008, juste avant la crise des subprimes. Ouais, et la fin, sur ce film, elle est horrible. Je trouve la fin super. Déjà, le film est pas joyeux. C'est un film bien un peu déprimant quand même. Mmh. Et alors à la fin, t'es en mode, oh putain. Mais non, vraiment, Dream Home, c'est... Pour moi, c'est un des slashers les plus intéressants qu'on ait eu récemment. Voire qu'on ait eu tout court. J'ai pas souvenir d'un autre slasher qui arrive aussi à être aussi malin dans son approche du genre, en fait. Je sais pas comment dire. Tu vois, on a eu Scream, mais qui parlait de lui-même, au final. Qui parlait d'un genre que lui-même était. Mmh. Mais j'ai pas souvenir d'un slasher comme ça qui arrivait à ressortir une thématique comme ça à travers son histoire. Si t'as une idée. Une thématique, tu veux dire une thématique sociale Ouais, comme ça, quelque chose qui arrive vraiment à faire quelque chose et qui a pas trop vieilli. C'est vrai. À la limite, si, My Bloody Valentine sur les mineurs, tu vois, mais ça, à nouveau, ça sert plus d'un contexte pour. Mineur, le métier, pas mineur. Non, ah, je... Non, non, mais tu vois, qui se sert plus d'un contexte rural et travailleur pour écrire une histoire. Ah, si, Massacre Tourneuse. J'avoue que tu le considères comme un slasher, toi, le premier. Parce que, autant à partir du deuxième, troisième, je veux bien. Mais le premier, pour moi, c'est pas un slasher. Oui, non, pour moi, c'est survival. Mais Massacre à la tronçonneuse se place un peu dans cette optique-là, avec qui parle de toute l'époque de l'industrialisation et du coup la fermeture des abattoirs un peu manuels. Ouais, t'as ça, ouais. Qui du coup cause un peu la pauvreté dans beaucoup de régions reculées, et en l'occurrence là, le Texas. Ouais. Et c'est ça qui pousse justement la famille Sawyer à buter des gens et à les manger. Ouais, t'as ça, nouveau, mais c'est ça que du coup, pour Dream Home, ça. T'as raison, finalement, le principe de base est assez similaire, c'est-à-dire se servir d'un état de fait pour ensuite écrire une histoire assez glauque quand même. Ouais. Mais non, je trouve ça dommage. Après, que le réal, après, moi, j'ai pas vu tous ces films, donc Exodus et Isabella me rendent assez curieux. Mais je trouve ça dommage que Pango Chung ait jamais transformé l'essai pour. Enfin, transformé l'essai. Il a fait d'autres choses après, mais jamais repris ce truc de vraiment aller dans le catégorie 3 sale. Voilà, Dream Home, d'ailleurs, est assez trouvable en Blu-ray en France. Bah, je l'ai d'ailleurs, le Blu-ray français. Ouais, pareil. En fait, je l'ai eu à 3€ à dose, sache-le. Je crois que je l'ai eu topé à 5€ à Metaluna, il me semble. Oh. Mais en tout cas, vraiment, c'est. Vraiment, voyez-le. Dream Home, c'est super, super, super cool. T'as fini ou et la photo aussi est très belle de Dream Home. C'est vrai. T'as fini sur. J'ai fini sur Dream Home. Et bah, voilà, sélection plutôt rapide, en moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Ce qui est à l'échelle de la 7ème dimension est court. Mais on n'est pas sur la 7ème. Rapidement, pour faire assez court sur la fin, est-ce que toi, juste si t'avais d'autres slashers que t'aurais voulu placer, juste là comme ça, un peu en ribambelle rapide? Alors, en ribambelle comme ça, je vais parler de quelques suites de slashers qui sont quand même assez sous-estimées. Je pense à Halloween 2 de Rick Rosenthal, parce que tu sens quand même que Carpenter est bien derrière pour pousser le gars. Je pense que Carpenter a fait plus de 50% du film. Ah, très largement. Bah, d'ailleurs, Rosenthal a pas aimé le film. Et parce que beaucoup de reshoots ont été faits par Carpenter. D'ailleurs, Rosenthal, après, il a fait Halloween Resurrection. Voilà, qui nous aura confirmé que le mec est peut-être pas si bon. Hein, on est d'accord, c'est le pire de la saga. Oui. Voilà. Et pourtant, ceux de Rob Zombie sont critiqués. Moi, j'aime beaucoup les deux Rob Zombie. Alors, j'aime beaucoup le 1, le 2 un peu moins. Je l'ai vu en Director's Cut. Le 2 est arty. Pour le coup, le 2 est plus arty. Hein. Bah, le 2, il a ce côté Lords of Salem. Le 2, comme dirait Horror Critique, on dirait plus un préquel à Devil's Reject qu'une suite à Halloween. Ce qui se tient. Et finalement, ce que je trouve pas si faux en fait, hein, mais après Rob Zombie, faudrait faire un épisode sur lui, parce que Rob Zombie, il y aurait moyen de bah, il a fait quoi, 6-7 films? Là, il y a Monsters qui vient de sortir sur Netflix. Je l'ai pas encore vu, moi non plus. Faut que je le vois. Mais après Rob Zombie, j'avoue que les deux de Rob Zombie, je trouve super intéressant, parce que c'est complètement autre chose. Ça veut faire autre chose, et c'est très généreux, on va dire. Le 2 comme le 1, surtout le 2. Hein, c'est... Ah oui, le 1, le meurtre de Fouillette là. Oh, il est crado, hein, et puis ouais. La dernière trilogie, Evil Dies Tonight. Non, mais c'est ouais, Halloween 2 de Rick Rosenthal et après. Alors, sachez qu'on enregistre le podcast le jour où Halloween Ends est sorti. Et qu'on a toujours pas vu. Ouais, on a toujours pas vu. Je me suis refait Kills hier, qui était mieux que dans mon souvenir. Je vais me refaire Kills demain ou après-demain. Ouais, qui est la scène des pompiers. Très très bonne scène. Oui. Okay. D'autres slashers que tu aurais voulu recommander? On parlait de la série Vendredi 13, mais je recommande notamment le 3, le 4, le 6. Ouais. Même le 5 qui est assez cool avec le QB4. En fait, tous. Sauf le 2, le 2 que je trouve assez... Le 2, t'as le meurtre à la lance. Au lance-arpon. Non, quand il empale les deux dans le lit. Ah oui, ok. Dans le hommage à la baie sanglante. Que j'ai pas encore vu. Ah non, le lance-arpon, c'est dans le 3, parce que c'est en 3D, justement. Ouais. Tous les vendredis 13, du 3 jusqu'au 7. Ouais, globalement. Je m'arrête au 6, mais le 7, pourquoi pas. Freddy contre Jason, évidemment. Oui. Les griffes de la nuit 4. 3, je veux dire 3. Ouais, 3, de rien. Le 4, il est cool aussi. Le 4 est cool. Ouais. Dans le 5, t'as la moto. Oui. C'est Shinya Tsukamoto sur une scène. Hein, c'est... Mais ouais, après, d'autres slashers... Oui, j'en ai plein, là, j'en ai pas qui viennent en tête là, tout de suite, mais... Moi, je me suis fait une petite liste. Alors moi, ce que je recommande, donc il y a Gutter Balls, dont j'ai rapidement parlé, ouais, mais qu'il faut qui est un slasher ultra violent, avec une quille, qui est très, très, très, très gore, vraiment, et qui a une version avec des inserts X. Que je recommande à voir, qui a le mérite d'exister, on va dire. Hatchet, la saga des Butchers. J'ai vu le 1 seulement. Alors moi, j'avoue que je m'arrête aux 3 premiers. Le 4, je suis moins fan. Mais c'est très, très, très, très, très violent aussi. Un Butcher, ça se pose là quand même. Let to Rest, la saga des Chrome Skull. Ouais, alors Let to Rest, je t'avoue que je suis... Ah, j'ai retenu que les meurtres, hein, mais... Ouais, je suis moyennement fan de Let to Rest. J'aime bien le premier. Je trouve le deuxième un peu en dessous, mais j'aime bien le premier. Après, on a les Fear Street sur Netflix. Oui! Notamment le deuxième. Ah, notamment le deuxième, qui est fait, qui a ce côté très slasher 80s, oui, ouais. Le meilleur, évidemment. Après, on a. Moi, j'ai noté les Wolf Creek. J'aime beaucoup les Wolf Creek. À l'intérieur, de Bustillo et Mori. C'est vrai. Est un slasher et qui est assez méchant aussi. Mmh. Genre, il n'a pas l'intelligence de Dream Home, mais il a sa méchanceté, au moins. Ouais. Après, on... Je vais parler quand même du Halloween de David Gordon Green. Oui, bah oui, la dernière trilogie, oui. Ouais, mais surtout, surtout Halloween 2018. Ouais. Que j'ai revu. Et que. Limite. En fait, j'ai revu le Carpenter et le Gordon Green. Et j'ai. Me dis pas que tu le préfères au Carpenter, ça a mal se passé. Bah justement, j'ai vraiment eu des doutes sur ça. Non, arrête. Mais je te jure. Arrête. Après, on a eu Détour Mortel, la saga aussi. J'ai vu que le 1 il y a longtemps. Ah, j'aime bien les deux. C'est dégueulasse, hein, vraiment. Il y a le 4 dans la neige qui est vraiment, vraiment répugnant. Mais qui se pose là. Mais justement, tu me montres Bloody Bird. Et Bloody moi, Bird, j'ai une question. Giallo. Les Giallo, pas Giallo le film. Hein, non. Les Giallo, slasher ou pas? Bah, ça dépend. Enfin, les Giallo avec des meurtres. Oui, parce que genre Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse de Argento, c'est un slasher. Pour moi, c'est un slasher. Oui. Mais oui, Bloody Bird de Soavi est un slasher pour moi. Oui, bah oui. Totalement. Et aussi, j'avais noté, je sais pas si tu connais, les Cold Prey. Cold Prey, qui sont des slashers norvégiens. Les deux premiers sont vachement bien. Le troisième est vachement moins bien. Alors, je les ai pas encore vus. Il y a le premier Sleepaway Camp qui est quand même assez basique. Je suis pas super fan. L'image de... En fait, c'est un film qu'on retient sur son image de fin. Oui. Mais je suis pas très fan du premier Sleepaway Camp. Et par contre, les suites sont irregardables. Hein. Le 2. Je les ai en DVD. Le 2, il est moche. C'est avec la sœur de Bruce Springsteen. C'est horrible. Le 3, il est dégueulasse. Le 4, il y a un 4 qui est impossible à trouver. Qui a une réputation calamiteuse. C'est pas le Camp, un truc comme ça. Non. Et t'as le remake, Return to Sleepaway Camp, que j'ai pas vu, mais qui a une réputation égale au 4. Donc, okay. J'ai vu les 3 premiers et ça me va. Alors, je vais quand même parler d'un petit slasher meta sorti en 2015. Scream Girl, ou The Final Girls. J'ai pas vu du tout. Alors, c'est génial. C'est le last action hero du cinéma d'horreur. Damn. Donc, en gros, on suit un groupe d'ados qui se retrouvent piégés dans un slasher des années 80. Et il se trouve qu'une des actrices de slasher est la mère de l'héroïne qui vient de mourir. Genre la mère... Jamie Lee Curtis, c'est toi? Non mais en gros, du coup, l'héroïne a perdu sa mère il y a quelques temps. Ok. Elle va dans un cinéma pour voir une diffusion du film où joue sa mère. Où joue sa mère. Et elle se fait absorber. Et elle se fait absorber dans le film. Sauf que sa mère, c'est pas la Final Girl, c'est juste une des victimes. Ah merde. Et voilà. Mais du coup, t'as... C'est quand même un peu généreux sur le gore ou pas? Parce que c'est généreux sur le gore. Il y a Thaïssa Farmiga dans le rôle principal. Ça se refuse pas. Mmh. Et juste oui, c'est super cool. Et j'avoue que moi, pour le coup, les autres slashers que j'aime beaucoup, sortis vraiment très récemment, c'est X de T. West. Oui, bah on en a parlé au début. Ouais, que j'ai trouvé vraiment excellent avec Mia Gott et Jenna Ortega qu'on aime tous les deux. Oui. Et bah, Pearl. Ah bah, en parlant de slashers récents avec Jenna Ortega. Scream. Déjà Scream, j'étais sûr, mais moi j'allais parler de Babysitter. Alors, allez, je fuis. Non, vas-y, je te laisse en parler. Moi je suis pas fan du tout, mais au moins c'est gore, au moins c'est très gore. Au moins c'est gore, mais j'aime beaucoup Babysitter et Babysitter 2. Donc j'adore Sega. The Babysitter, parce qu'il y a aussi un autre film qui s'appelle Babysitter. Non, on parle des deux productions Netflix. Donc oui. The Babysitter et le nom, il a un nom, Killer Queen. Il a un nom, con de ça. Il y a du Queen, justement. Il y a Killer Queen, de Queen au fond. Subtil. Mais je crois, n'empêche que le 2. Et un des pires moyens de faire retourner le méchant que j'ai vu depuis très longtemps. Le 2, j'ai trouvé l'intro du 2 calamiteuse. Alors, c'est quoi déjà, comment il fait retourner le méchant? En fait, les potes du 1, du héros, en fait, sont méchants. Ah oui, mais putain, vraiment, c'est pas genre, c'est préparé. Non, c'est 5 premières minutes, coucou, on est méchant. Ils veulent réinvoquer la nana blonde. Bah, qui est jouée par Samara Weaving. Samara Weaving, qui joue dans Wedding Nightmare. Dans Wedding Nightmare, dans Mayhem, dans Ash vs Evil Dead. Ash vs Evil Dead. Ils veulent réinvoquer comme ça, et genre, dans mes souvenirs, il y a un problème, ça se passe pas bien, et ils courent après, bref, c'est une connerie, enfin c'est très con, vraiment, ce babysitter. Au moins c'est très con. Après, on peut citer les suites de Massacre à la tronçonneuse aussi. Le 3, j'aime bien le 3. Moi. J'ai pas encore vu le 3, mais j'aime bien le 2 par contre. Et j'aime aussi pas mal le préquel. Ouais, au commencement. Au commencement, ouais, réalisé par Jonathan Liebesman. Ouais, mais après, pour le coup, c'est bah, moi j'avoue que Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire qu'on a j'aime bien le remake de Nispel, qui est beaucoup plus gore que l'original. Mais après, on a quand même... Ah, l'original n'est pas gore, hein, pour le coup. On a eu Texas Chainsaw 3D, qui est quand même une grosse merde. Qu'il faut que je revoie. On a eu le putain de remake de 2022, que j'ai trouvé, mais... ignoble, bah, immonde, vraiment. C'est pas vraiment un remake, c'est autant un remake que le Halloween de Gordon Green. Oui, mais c'est-à-dire, si jamais c'est une suite de l'original, ça veut dire que pendant 40 ans, Leatherface, il a fait quoi? Il est resté tout tranquille. Bah oui. Et surtout, c'est quand même le film qui va tuer Sally Hardesty. Et qui va te dire. Genre, le réalisateur, il avait dit ah, c'est peut-être mieux qu'elle meure finalement. Et là, tu me fais penser All the Boys Love Mandy Lane. Faut pas que j'en dise trop parce que Voilà. Mais qui est un excellent néo-slasher et qui est très intelligent sur le coup. Oui. Et est-ce que tu veux parler de ton chouchou que tu m'as fait revoir pour l'occasion? Tu ne sais pas mon avis dessus, Scary Movie. Alors là, on approche de la conclusion. C'est-à-dire, j'avais trois grands axes pour finir, et notamment ce qu'on va appeler, ce que j'ai appelé les sales marmots, avec toute cette vague de parodies. T'as vu, j'ai pas dit parodie de merde, mais de parodie, à commencer par Scary Movie, qui est sorti en 2000, donc qui est la parodie de Scream. Scary Movie, pas que de Scream, mais globalement de Scream, Scream 2 et son dernier. Ouais. Alors, Scary Movie, c'est un film que je trouve déjà extrêmement drôle. Je vois la tête de Corentin qui est en train de se décomposer, mais Scary Movie, je fais un effort pour regarder une poker face à peu près certaine. Je trouve ça génial dans une écriture de l'humour, et surtout, dans son exécution de la parodie, je trouve que le twist sur qui est le tueur, ça fait un beau pied de nez à ceux qui ont vu Scream. Ce qui est le premier twist, pas le deuxième. Attends, t'inquiète, je l'ai revu il y a pas longtemps. Pas celui qui je le suspecte. Oui. Et bah juste, c'est ce qu'on attend d'une bonne parodie, c'est-à-dire que c'est fait par des mecs, donc les frères Wayans, qui sentent vraiment... C'est pas les deux salopards qui ont pris le relais après... Freeborg et Setzer, ouais, qui ont pris le relais après 2-3. Et qui, eux, pour le coup, sont vraiment des connards. Hein, Super-Hero Movie, Big Movie, Spartatouille, alors, les mecs. Faut savoir, j'ai vu récemment quelques vidéos sur la saga Scary Movie, notamment qui parle du 3, qui est donc écrit par Freeborg et Setzer et réalisé par David Zucker. David Zucker qui... Qui a viré gros faf, mais surtout qui... avoué en interview ne pas aimer le cinéma d'horreur. Du coup, pourquoi il a... L'argent. Ouais. Voilà. Mais donc, en gros... Sims Fair. En gros, il dit, ouais, parodier des films d'horreur dans le style de Scream, justement, ça l'est pour lui. Par contre, le fait qu'on parodie Sign ou Ring, là, ça va. Bon, déjà, 8 Mile n'a rien à foutre dans une parodie de films d'horreur, hein, je vous désolé. Mais après, Zucker, j'avoue que tu m'avais parlé de Christmas Carol. Ouais, American Carol. C'est quand même une purge, mais enfin, ça se rapproche de ces trucs, tu sais, les productions Pure Flix. Bah oui, c'est ça. God is not dead. Tu l'as vu, lui? Je l'ai pas encore vu, mais... C'est que Ulysse l'a vu. Ulysse qui est un ami commun, mais qui l'a vu, et tu sais, genre, moi j'ai poussé le vice. J'ai vu un, le 2, le 3, et le 4. Tu sais que je crois que le 2 est dispo sur YouTube, sur Netflix en version québécoise. Je vérifie à l'instant, continue. Et donc, Scary Movie, les Wayans, c'est des mecs, tu sens vraiment qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, c'est-à-dire que Kellen Avery Wayans avait dit en interview pour Scary Movie 2 avoir vu avec ses frères plus de 160 films de maison hantée. C'est des mecs qui quand même poussent le professionnalisme assez loin, même si le 2 a eu quand même beaucoup de problèmes, notamment à cause des Weinstein qui étaient producteurs et qui ont poussé pour que le film sorte. Des problèmes avec les Weinstein. Comme par hasard, voilà. Sans blague. Mais donc les Weinstein qui ont poussé, qui ont forcé à mort pour que le film sorte suprato et qui n'ont pas laissé, d'opportunité aux Wayans de faire ce qu'ils voulaient avec le film. Ouais. Mais pour le coup, je trouve que le 1 est brillant dans son écriture de la parodie. Et t'as dit le mot brillant. J'ai dit le mot brillant. Et j'assume que pour moi, Scary Movie est une des meilleures comédies, un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Alors je l'ai revu. C'est pas si horrible que dans mes souvenirs. Je dois admettre, j'ai souri à quelques moments. Genre, je trouve, enfin, j'ai pas rigolé comme Bride of Chucky, mais j'ai rapidement souri. Mais j'ai quand même trouvé ça ultra poussif, en fait. Pour moi, genre, il est mieux que ses suites. Vraiment, c'est-à-dire que moi, j'ai un souvenir du 2, mais catastrophé. J'avais trouvé le 2 horrible. Le 2 avec du syndrome, notamment la scène où Shorty se fait fumer par... Par la plante, ça, j'avoue, j'étais en mode, oh, ok, pourquoi pas. Mais enfin, tu sais, après, genre, ça, Scary Scream Movie, et tout comme ça, non, c'est horrible. Ah, juste, on parlait de slasher qu'on recommande. Je recommande Beyond the Mask. You Might Be the Killer. Ah, sur Prime. Je l'avais vu sur Shadows, me semble-t-il. Il me semble qu'il est sur Prime aussi. Mais Beyond the Mask aussi, c'est cool. Rise of Leslie Vernon, très bon slasher. You Might Be the Killer, très bon slasher où, en gros, un mec, quand il enfile un masque, devient le tueur. Ouais, mais c'est... Donc le mec, pendant tout le film, est persuadé d'être une victime pourchassée par le tueur, et il voit tous ses amis crever, enfin, tous, ils sont morts autour de lui. C'est lui qui les massacre. Et c'est lui qui les massacre. Ouais, c'est... Non, et donc, dans Scary Movie, en fait, le problème que j'ai avec le film, c'est que dès que je vois une amorce de gag drôle, je trouve le gag super forcé. Et surtout, enfin, est-ce que t'as compté combien de blagues tournent autour du sexe, du caca ou globalement en dessous de la ceinture? Beaucoup. J'ai au moins la moitié des blagues là-dessus. Et moi, j'avoue que une ou deux, ça peut me faire rire. Mais quand tout un genre... Tiens, enfin, la scène d'intro, il y a un truc qui me fait rire. Mais vraiment un. C'est la nana qui est sur la route, qui appelle ses parents. Je vais pas dire ce que font les parents dans la voiture. Mais ça me fait pas rire. Par contre, le fait qu'elle se fasse défoncer par la voiture, ça me fait rire. Ça te fait pas rire le fait que le mec lui plante un poids ressorte son faux sein et qu'il ressorte un implant mammaire. Mais ça me fait pas rire, tu vois, parce que moi je me dis, ouais, surtout en fait, le problème aussi avec la movie, c'est que je l'ai vu une fois, et j'avoue que la première fois que j'ai ri, j'ai bien rigolé quand même. Mais depuis cette première fois, c'est un peu comme Les Visiteurs en fait, la première fois que je l'ai vu, j'étais mort de rire, il a jamais tenu le revisionnage. Après, c'est la movie, j'avoue que j'ai vu les. Il y en a combien? Il y en a 5. J'ai dû en voir que 4. J'ai pas vu le 5ème, et Scary Scream Movie, je l'ai vu les 3 quarts. Super Hero Movie, je l'ai vu en entier, lui. Je l'ai vu en entier deux fois, je crois. Spartatouille, je l'ai vu, tiens, après, j'ai vu les merdes après. Mais j'ai pas tout vu, mais en fait, c'est des films qui m'épuisent. C'est-à-dire, c'est des films qui veulent tellement me dire, regarde, je suis drôle. Que non, je suis en mode, vas-y, stop, pause. Donc voilà. Le Scary Movie, c'est moins horrible que dans mes souvenirs. Parce que Scary Movie, c'est quand même fait avec de la bonne volonté. C'est pas fait pour surfer sur un bug. Bonne volonté, oui. Je te donne la bonne volonté. Mais je te donne pas le talent. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que c'était trop poussif pour moi. C'est trop. Tu vois, ils ont un gag. Tu vois, la scène d'intro, typiquement, t'as combien de gags dans la scène d'intro, tu vois? Dans la scène d'intro, t'en as 40. Et moi, c'est une overdose. Ça me fait pas mal. Après, bon, pourquoi pas, il y a des clients. Et c'est déjà plus honnête que les super-héros movies et autres merdes. Et l'autre truc que j'avais envie de te demander, pour toi, est-ce que le slasher a encore des jours devant lui? Parce qu'il a eu une deuxième vie en parlant de lui-même avec Scream. Aujourd'hui, il a une nouvelle vie en étant utilisé comme un accessoire, entre guillemets. Tu vois, Freaky, c'est un accessoire pour refaire Freaky Friday. Happy Death Day, c'est un accessoire. Enfin, Happy Birthday, c'est un accessoire pour refaire Un Jour Sans Fin. Ouais. Comment est-ce qu'il peut survivre aujourd'hui? Pour moi, il peut survivre. Enfin, le slasher se réinvente toujours. C'est-à-dire qu'au tout début, le slasher, à l'époque de Black Christmas, c'était mine de rien des trucs assez hauteurs. Quand tu regardes Black Christmas, quand tu regardes Halloween. J'adore Black Christmas. Voilà, mais. Non, je recommande aussi, je le place rapidement, le remake de 2006. Alors, si vous n'avez pas aimé le Black Christmas de 1974, allez-y, le remake de 2006, déjà il est très violent, vraiment il est très très gore. Voilà, par contre, le remake de 2019, ça non, c'est pas un slasher. De deux, c'est. Idée intéressante de revenir à un côté plus terre à terre, devant un côté plus féministe du slasher, ou vraiment. De se recentrer sur les personnages féminins, comme l'était Black Christmas à l'époque. Mais le slasher de base est un genre féministe. C'est le genre de Final Girl, c'est le genre. Après, il y a eu toutes les variantes qui finalement un petit peu détourné ça. Mais là, le Black Christmas de 2019, putain, ce qu'il en fait, c'est irregardable. Ouais. Le Black Christmas de 2019, c'est une merde, mais c'est horrible. Et oui, le slasher ne cesse de se réinventer. C'est-à-dire que 70, c'était plutôt autorisant et plutôt. Plutôt léger dans ce qu'il montre. Hein. Encore une fois, je le redis pour la quatrième fois, mais Halloween, c'est 4 meurtres. Dont mon préféré, je pense, de Michael Myers, quand il pine le gars au mur. Oui. J'adore dans ça. Cette scène-là, Myers est joué. Je sais plus s'il est joué par Tommy Lee Wallace ou par John Carpenter. Non. Dans les deux cas, c'est génial. Oui. Il y a 5 mecs qui ont joué Michael Myers au total dans la saga. Ouais. Dans ce film-là, Il y a le mec pour la carrure, il y a le mec quand il se fait démasquer, il y a Carpenter, il y a Tommy Lee Wallace et il y a un autre gars. J'approuve grandement cette anecdote. Non, mais c'est vrai, le slasher, après, j'avais écrit peut-être qu'il peut repartir en changeant de médium. Je sais que toi, t'aimes bien la série Scream. Oui. Après, pour le coup, j'avoue que les séries slasher, il y a eu la série, bah du coup, Slasher. Que j'ai pas encore vu. Qui est une gnole. En fait, la scène d'intro est très gore. Du coup, tu peux te dire, on est parti, c'est bien. En fait, non. La saison 3 est la meilleure, mais enfin, ça reste pas grand-chose quand même. On a eu la série de Ryan Murphy, là. C'est pas Fine. Scream Girls, je crois. Ah, Scream Queen. Scream Queen. Scream Queens. La saison 1 était pas mal. Et la 2, on s'attendait à un truc anthologique, il a refait revenir le casting et ça marche pas. Après, il y a eu d'autres médias comme Dead by Daylight en jeu vidéo. Je pense aussi à le jeu vidéo Evil Dead, qui est vraiment pas mal d'ailleurs, c'était à l'occasion. Que j'ai pas encore vu. Que j'ai pas encore joué. Après, j'avoue que mon idée, c'est que le slasher, c'est un genre tellement simple à faire, mais tellement, comment dire, enfin, c'est simple aussi à copier. Ouais. Qu'on n'aura jamais d'âge d'or comme dans les années 80, malheureusement, mais qu'il y en aura toujours. C'est-à-dire, il faut... Mais les gens se démarqueront soit avec une sacrée dose de violence, je pense à The Sadness, que je sais que tu aimes comme moi, oui. Qui reprend les codes du film de zombies, mais qui pousse le gore. C'est loin. À un autre niveau, on va dire. Voilà. C'est-à-dire, il n'est pas dans la même catégorie que les autres, il est au-dessus. Hein. Et vraiment, pour moi, le slasher, c'est un genre quasiment éternel en fait. C'est tellement simple que tant qu'il y aura du cinéma, il y en aura, mais il faut juste savoir se sortir du lot avec une mise en scène, une écriture. Bah comme le fait Ty West, comme réussi à le faire Gordon Green, mine de rien, avec un matériau de base qui a quand même 45 ans. Et qui arrive aussi quand même à proposer quelque chose basé sur le Carpenter, je vais pas dire, tout en quand même étant un peu autre chose. C'est, on va pas dire que c'est du Gordon Green, mais que ça sait suffisamment se faire une identité. Et là, tu l'as dit, Ty West, j'avoue que Ty West, bah, il a Maxine, là, le troisième de X. Ouais, il y a Pearl qui vient de sortir en salle aux US. Ouais, Pearl, j'ai tellement hâte de le voir. Qui sort en Blu-ray en novembre. J'ai tellement hâte de le voir. Parce que vraiment, quand je vois X, je me dis, mais peut-être... Bah, déjà, pour moi, Ty West est un auteur confirmé. Oui. House of the Devil, Innkeepers, vraiment... J'ai pas encore vu House of the Devil, mais Innkeepers, oui. J'adore ce qu'il fait. X, oui. Et j'ai hâte de voir Pearl et Maxine. Ah ça, donc moi, je me dis, c'est... Peut-être que c'est avec des petits gars comme ça qui ont des idées, en fait, tout simplement, que le slasher peut perdurer. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Après, c'est tout ce qu'il a toujours fallu au cinéma, c'est des idées. Des idées et de la bonne volonté, parce que bon, là, on vous a parlé des bons, mais si un jour on fait un épisode mauvais slasher, on pourra parler de Promenons-nous dans les bois, Prom Night 4, parce que Prom Night 2 et 3, ça va, mais Prom Night 4, c'est... Bon, non. Bah, les Silent Night, Deadly Night 2. Les Bloody Murder. Ah putain, pas encore vu ça. C'est l'espèce de copie de Vendredi 13, là. C'est de copie de Vendredi 13 médiocre. Bah, du coup, Sorority House Massacre. Enfin, vraiment, les slashers, t'en as énormément. Et des mauvais slashers. Oh, t'en as la peine. Bah, en fait, je regardais ce matin, j'ai regardé le documentaire de Mathis Cattel qui s'appelle Laissez rentrer les monstres. Ouais. Et où un. Très bon documentaire, d'ailleurs. Oui, qui est un très bon documentaire. Et où le. Il interviewait, je crois que c'est le réal de. Le réel du dernier voyage. Non, sorti l'année dernière, là. Ouais, Romain quelque chose, Romain Quiron, comme ça, je sais plus son nom exact, mais en gros, qui dit que, bah, en fait, si on a autant de bons films de genre américains, c'est qu'on a beaucoup de films de genre américains. Et c'est qu'on voit pas les merdes à côté, en fait. C'est ça, c'est que l'histoire, mais c'est comme le principe même de la nostalgie, où, en fait, ton cerveau filtre les trucs de merde. Les années 80, c'était mieux avant. Ouais, la guerre froide... Voilà, en fait, ton cerveau filtre les trucs de merde pour te rappeler une époque qui est, soi-disant, mieux avant, ce qui n'est pas le cas, mais... Pas toujours, mais en gros, c'est-à-dire que on retient les bons films, mais il y a quand même un paquet de merde. Et c'est en ça que le gars dit, il y a beaucoup... les Américains produisent beaucoup de cinéma de genre, et dans le lot, il y a... C'est que nous, on reçoit que les bons, en fait. Dans le lot, il y a quelques bons films, il y a une poignée de chefs-d'œuvre, mais en fait, en France, si on n'a pas autant d'excellents films de genre français, c'est qu'on n'a pas autant de films de genre français tout court. Bah, typiquement, surtout, c'est que quand on a des vrais mauvais films américains qui arrivent chez nous, c'est pas que ça fait un scandale, mais la presse, elle est dégueulasse. Je pense à Firestarter, qui était sorti en... Ah, que j'ai pas encore vu, ouais. Le deuxième remake, non, qui est sorti cet été. C'était, ouais, bah voilà, mais pour le coup, ça... Mais qu'est-ce que c'était mauvais, je veux dire, Firestarter. Mais là, mais Esther 2, hein, Esther 2 quand il est sorti. Ah, putain, Esther 2, tu sais que j'en avais parlé rapidement dans la Steam Dimension, mais pour moi, c'est peut-être le pire film d'horreur de cette année. Hein. Ah, je sais pas, je le mets devant ou derrière Morbius, hein, mais enfin, Esther 2, le début est flou. Le début, le point n'est pas fait. Enfin, c'est... Voilà, et pour le coup, c'est vrai, je pense que t'as entièrement raison, c'est-à-dire qu'il faut de la quantité pour pouvoir produire de la qualité, et c'est que nous, on reçoit les bons films, tu vois, mais on n'a pas les... On reçoit pas les trucs mauvais comme ça. Ben c'est ça. Et attends. Bah, encore quelque chose à rajouter ou on peut juste les pires films d'horreur de l'année. Si je peux juste placer le fait que cette année on a quand même eu Arthur Malédiction, Mako, Kamakruzo. Mako, il est pas encore sorti. Mako, c'est hors jeu. Après, ça reste mauvais, hein, mais Mako, c'est un film de requin égyptien. Je suis partagé entre le fait de recommander, parce qu'il faut quand même soutenir, c'est des pays qui galèrent à produire des films, et de l'autre côté, c'est quand même vraiment mauvais, quoi, d'ailleurs, hein, c'est vraiment très très dur. Par contre, The Reef Stoked, ça quand ça sort, allez-y, c'est vraiment bien. Ah ouais, très bien ça. Bah, ça sort en novembre, il me semble. Ouais, en Blu-ray, ouais. Non, ça sort pas en salle, The Reef Stoked. Il me semble pas. Enfin bref, en tout cas, on fact-check rapidement, et si... The Reef Stoked sort en salle à l'instant. Attention. Ah, date de sortie inconnue, my bad. Non, pour moi, il sort en Blu-ray. J'ai vu une date de sortie, ouais, mais... Bref. En tout cas, bref, on conclut tranquillement cet épisode. On conclut cet épisode. Tu veux dire le prochain sujet ou tu veux le garder secret pour l'instant? Alors, indice. On va l'enregistrer dans environ 2 semaines. Oui. Je pense que ça suffit comme indice. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans environ 2 semaines? On n'en dit pas plus. En tout cas, bref, premier épisode, ma foi, en tranquillité. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, des commentaires ou autre. À donner des slashers qui... The Rift Talk, date de sortie, le, il sort demain en DVD, Blu-ray et VOD. Je l'ai pas précommandé. Bah écoute, faudra quand même que je le prenne. Mais voilà, bref, n'hésitez pas à nous faire des recommandations de slashers si vous, vous avez. Des slashers internationaux, je serais curieux d'en découvrir. Parce que des coréens, j'en ai quelques-uns. Bedeville est à moitié un slasher. Bah, vraiment moitié. Mais bref, voilà. Donc, en tout cas, bah, merci à vous. On dit au revoir, tout simplement. Et bah, à la prochaine fois. À la prochaine.